C'est comme d'habitude, le plus dur, c'est de s'y mettre. C'est ça. Du coup, je te propose qu'on y aille. C'est parti. J'ai bien aimé ton lancement de la dernière fois, donc je te laisse le refaire. Hey ! Du blabla. Non. T'as été trop loin dans le... Ah, j'ai été trop loin. Dans le film. Merde. Kling Klung ? Non. Attends, je cherche... Non, mais c'est le tout moment où tu dis ouais, bienvenue. Ah, c'est ça. Alors, bah, du coup, bienvenue à tous. Merci. Hein, c'est Road to Hellfest hein, en direct pour l'épisode 14. Oui, de cette saison 3. Vraiment, toi, saison 3, épisode 14, tu vas le mettre dans l'autre sens. Ouais. Et ben, parce que je sais bien que tu vas me reprendre et tu vas le faire bien. Mais je vais passer. Saison 3, épisode 14. Ah, bienvenue dans Road to Hellfest. Ça fait plaisir. Kling, Klung. À la tienne, Bob. Merci, mon petit Jacques. Mmh, elle est bien bonne, cette ambrée. Mmh. Clin d'œil, double clin d'œil. Triple clin d'œil, même. Oui. Du coup, oui, nous sommes de retour dans l'épisode 14 avec une petite semaine de repos, d'abstinence, d'incompréhension, en fait. Une semaine de oh, enfin un épisode, oui, mais et non, pas d'épisode, en fait. Ah, oh, ça, c'est les mecs. Ouais, non, ça arrive à tout le monde. C'est vrai. Mais du coup, je vais me permettre cette petite familiarité. As-tu passé une bonne quinzaine? Oh, oh, oh, je crois que tu... Dis donc... Ouais, non, je sais, j'ose. Ouais, j'ose. C'est plus rigolo. Bah écoute, vu que ça fait un moment qu'on se connaît, je vais te répondre. C'est sympa. Et je te dirais, ouais, ça a été. Ouais. Ça a été. Ouais. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on... Alors, bon, je sais que les gens n'étaient pas prêts et tout ça, mais on peut le dire... On s'est vu hors podcast. Oui, alors oui, ouais. On s'est vu hors podcast. Ouais. On a mangé un rougail saucisse. Ouais. Qui était pas mauvais. Bah, il était très bon. Ah. On ouais. En a eu pour notre argent. Comme on dit. Pour le coup. Alors, effectivement, si tu comptes le coup, c'est vrai que ça fait. Oui, c'est vrai. Il va falloir que tu viennes la prochaine fois. Hein ? Ou qu'on vienne. Et du coup, on fera la même. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Je sais plus trop où on en est dans tout ça. Bah ouais, en fait, parce que du coup, qu'on fasse des listes. C'est qui? Bah oui, c'est ça le truc. Mais c'est toi en même temps. Je dis ouais, moi je prends ci, je prends ça. Bah non, attends, parce que moi je vais prendre ci. Et puis je vais prendre ça aussi. Ouais, et puis moi je ramène tout. Ouais, en fait, en gros, pour vous résumer, j'ai fait à manger chez Bob. Donc j'ai tout ramené pour faire à manger chez lui. Voilà. Et du coup, je crois que je m'étais un peu invité aussi. Donc ouais. C'est un peu l'un dans l'autre. Et du coup, nous, on a été manger chez lui. Il est resté manger chez nous. Voilà. On a fait un échange de maison pour la soirée. C'est ça. C'était sympa. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Eh bien, très bien. Du coup, je te propose de pas trop perdre de temps. En... Oui, oui, oui, on va pas perdre parce de temps. Parce qu'on a une émission chargée, comme on dit. C'est vrai, c'est pas faux. Donc, je t'en prie, commence. Attends. Rubrique news. Non, ça va pas. Les news. Je sais pas. Ouais. Rubrique news, les news, je sais pas. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Rubrique les news. Rubrique les news. Rubrique les news. Eh ben c'est pas mal. C'est compliqué. Ouais. D'accord. Très bien. C'est à toi de commencer. Ne bois pas. Ne bois pas d'alcool. Tu sais bien comment après t'es tout foufou. Sortie de la semaine. Non. Alors oui, on peut en parler. Bah oui. Ah bah je sais pas. Ah oui, c'est parce que d'accord. Ok. Attends. Eh ben en même temps, ça en fait partie. Oui, enfin, c'est parce que du coup, c'est indirectement. Trop... Il manque d'autres sorties sur mon endu en raté, mais. D'accord. Bah raté. Du coup... En même temps. Tu l'as mis, entre parenthèses. Oui. Bah alors, Donc, rubrique news. Les sorties de la semaine. Alors, Marc Morton... alors, on va pas traiter. Désolé. Marc Morton, donc... Le guitariste de Lamb of God. Voilà. A sorti son deuxième album solo, je crois, Anesthétique, le 1er mars. Et on avait un peu zappé lors du précédent podcast d'en parler. Ouais. Donc, enfin non, on avait dû en parler dans un précédent podcast, mais on n'avait pas écouté. On n'avait pas écouté. Donc c'est un album que je rappelle où il est guitariste et dessus il reçoit des featurings sur au chant et en musicien. Mmh. Voilà. Donc c'est un espèce de super album si on pouvait résumer. Voilà. Est-ce que tu as pu l'écouter? Je l'ai écouté, ouais. Alors qu'en as-tu pensé? Je l'ai écouté en le survolant. Ouais. Donc du coup je l'écoute en faisant autre chose. D'accord. Et du coup il y a pas mal de trucs qu'il faut que je réécoute. Je l'ai trouvé plutôt bon, dans l'ensemble. Ouais. Oui, désolé. Non, c'est pas grave. Ça peut te frotter la cuisse, il n'y a pas de souci. On est entre nous. Non, mais c'est vrai. Et donc, ouais, non, je l'ai survolé. C'est pas mal, il faut que je le réécoute. D'accord. Bien approfondir le sujet, mais t'as des trucs qui sont intéressants, qui demandent à être approfondis. Bah, tout simplement. De mon côté, je l'ai aussi écouté. En fait, je l'ai trouvé un peu long, dans le sens où, comme ça change tout le temps de chanteur et de musicien, mais c'est pas forcément là où tu ressens le plus, mais du coup, j'ai eu un peu de mal à trouver une unité à l'ensemble. Et en fait, moi, à un moment donné, j'ai décroché et j'avais l'impression que Spotify était passé à un autre artiste. Et en ressortant, en vérifiant, en fait, ah non, je suis toujours sur le même album. Ça m'est arrivé deux fois, ça, dans l'album. Donc, du coup, c'est, y a des très bons morceaux, mais sur l'ensemble, je décroche. Mm. Ouais, donc, Je le réécouterai, moi. Mais ça m'a vraiment sorti du truc. J'ai dit, tiens, je suis plus dedans. Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, j'étais toujours dans le même album, mais il manque peut-être soit d'un lien ou... Après, c'est un album où il y a plein de featuring, donc c'est normal. Ouais. Mais il y a des bons titres, d'autres un peu plus faibles. C'est, je suppose, la suite. C'est la norme tout, pour ce genre de titre. Tout à fait. Seconde sortie. Tyr, avec l'album L. Sorti le L. 8 mars. Donc, Tyr est un groupe, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, que j'aime bien. Découverte de Road to Hellfest saison 1. De mémoire. Oui. Je pense. C'est fort possible. Et qui est au cœur d'un, en plus d'un, de mini, pas scandale, enfin plus ou moins scandale. Qui fait ça fait polémique. Voilà, de polémique avec pas mal de concerts en France qui risquent d'être annulés. Certains le sont et d'autres non. Mmh. Parce qu'ils viennent des îles Féroé, que le chanteur a pour habitude de participer au grind. D'après ce que j'ai lu, il l'aurait fait une fois, je crois, ou je sais pas. Enfin, il participe. Et il participe pas au massacre, il participe juste à la découpe. À la découpe. Ouais. Alors justement, on va en profiter pour en faire un vite fait en fait, parce que j'ai essayé de me renseigner un peu sur le sujet. Et c'est un sujet qui est hyper complexe et hyper long et que je voudrais surtout ni froisser, ni je voudrais pas qu'on prenne parti trop pour un truc. De ce que j'ai retenu après, c'est moi qui ai regardé donc. Ça n'engage que moi, bien sûr. C'est une chasse où les habitants des îles Féroé s'en servent pour se nourrir. Toute la nourriture qu'ils gardent de cette chasse sert à les nourrir pendant toute l'année. Donc c'est leur manière à eux pour les principaux habitants de l'île, de se nourrir sans que ça revienne. C'est pas du tout de la viande qui va aller après dans des industries ou quoi que ce soit. Ça reste vraiment pour les habitants. Ils chassent que ce qu'ils ont besoin. Si une année, ils ont besoin de moins, ils en prennent moins, tout ça. Et à titre d'exemple, je conseille à ceux que ça intéresse d'aller voir un article par une salle de Lyon qui a refusé de boycotter le groupe, qui plutôt que de suivre toutes les pressions qu'ils ont pu subir, que ce soit par les réseaux sociaux, le public ou les défenseurs des animaux, comme l'association Sea Shepherd, s'est renseigné, a été discuté et... Ce sont les propriétaires de la salle, sont trois végans, donc vraiment qui refusent de manger de la viande. Ils sont totalement renseignés sur le sujet pour pas se faire orienter à droite comme à gauche. Mmh. Et après avoir discuté avec le chanteur, ils se sont rendus compte que c'était aussi, une autre manière de s'alimenter, que c'était, ce serait pour eux, refuser que Tyr vienne, ce serait aussi hypocrite que d'accepter quelqu'un d'autre qui mange de la viande mais qui va se nourrir via des abattoirs. La seule grosse différence entre cette chasse et, des abattoirs, c'est que c'est à ciel ouvert et donc que tout le monde peut voir ça et que ça a un côté forcément sanguinolent. Mais en dehors de ça, ce n'est pas, en tout cas d'après ce qui est ressorti, ce n'est pas un massacre officiel des animaux pour tuer et faire souffrir des animaux. Donc voilà ce qu'il en est. Donc la salle a accepte que le groupe vienne et défend que le groupe vienne comme n'importe quel autre groupe. D'ailleurs, eux, dans leur démarche à eux, c'est tous les groupes qu'ils reçoivent, ils les nourrissent avec des produits vegan et des produits bio, enfin tout, pas pour les faire changer, mais pour leur montrer qu'il y a aussi d'autres moyens de s'alimenter et tout ça. Et donc, je trouve leur réaction et leur réflexion beaucoup plus intéressante que juste de dire « Ah là là, c'est pas bien, regardez, ils font du mal à des animaux », et de montrer des photos, effectivement, on voit des bains de sang d'animaux, mais c'est une chasse pour se nourrir, c'est moche. Ça ne peut pas être propre. Si tu veux que ça soit propre, il faut que tu ailles acheter ta viande dans une boucherie. Sous le cellophane. Donc voilà. Donc je ne suis pas du tout pour la polémique ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est ce qu'il y avait autour. C'est ce qui se passe en ce moment autour de Tyr. Le chanteur est lui-même le premier à vouloir discuter du sujet. Il n'est jamais contre. Voilà. Nous, on ne va pas dire nous, on se place de telle ou telle manière. Voilà. On vous a informé de ce qu'on savait. Moi, je suis légèrement de biais. S'il y a des gens qui ont des contre-arguments ou d'autres choses à nous dire en commentaire, n'hésitez pas. Je crois qu'il faut qu'on arrête de dire ça. Et maintenant, on va revenir à la critique de l'album. As-tu écouté l'album ? Non. C'est pas grave. Je l'ai écouté deux fois. Je l'ai trouvé très sympa. Un peu différent des autres albums. Avec, ils ont tenté d'autres choses. On garde l'esprit de tir, mais avec une petite tentative de faire d'autres choses. Un très bon tir que je réécouterai sûrement à l'occasion. Un bon album. Que The conseille. Très bien. À tous les fans de tir et de viande de baleine. Allez. De dauphin. Non, c'est pas des dauphins. Il y a les deux. Ouais. Il n'y a pas des phoques aussi. Non. Ok. Children of Bodom. Excède, sorti le 8 mars. Également. Aussi. Oui. Tu écoutais ? Beaucoup de claviers. C'est pour ça. Mais ouais, non, c'est un... Écoute, c'est un album, je l'ai écouté 2-3 fois parce qu'en fait, il est passé sans forcément qu'il y ait... Il y a eu quelques singles qui avaient retenu mon attention parce que, ah, je les reconnais. Mmh. Et sinon, dans l'ensemble, je me suis pas... j'ai pas été méga emballé. Il est sympa, il passe très bien, mais il m'a pas... j'ai pas fait, waouh, trop génial, trop bien ce truc. Il passe bien. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas eu de hype plus à différents moments. C'est un bon album de Children of Bodom. Il réinvente pas la roue, mais il est dans la bonne continuité. Les claviers m'ont pas dérangé. Voilà. Ok. The Raven Age. The Raven Age avec Conspiracy, donc était un peu l'album que je n'attendais plus. Et je l'ai écouté 3 fois. Ah, quand même. Ouais, je l'ai écouté 3 fois. Pardon ? Pour être sûr. Ouais, non, et en fait, en fait, sur un album en entier, ça passe. Je me suis même surpris à écouter, pendant que j'écoutais la troisième fois, c'était hier soir, à me dire, mais tiens, en fait, j'aime bien. Mais pas j'aime bien, j'aime de ouf, mais ouais. Ouais, ça passe bien. Quoi. Ça passe, ouais. C'est, dans la, c'est pas le meilleur de ces 4 albums qu'on a cités, mais dans l'ensemble, il passait bien. Okay. Donc, c'est un bon Raven Age. Je pense que je préfère quand même la voix du chanteur du premier album, les compos du premier, mais plus je l'écoute, plus je l'apprécie. Donc voilà. D'accord. Il y a eu d'autres sorties. En fait, ça, c'est surtout les sorties de la semaine d'avant, parce qu'on aurait dû faire une émission la semaine dernière. Je n'ai pas renoté toutes les nouvelles sorties, parce qu'en plus, on ne les a pas écoutées. Donc voilà. On va passer maintenant à la vraie rubrique des news. Ouais. Je t'en prie, commence, Bob. Eh bien, justement, on en parlait. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Mark Morton. Donc, forcément, on en parlait. Il était guitariste de Lamb of God. Et qu'il a sorti son album solo le 1er mars. Et ce n'est pas que je l'ai raté, c'est que j'avais un truc et donc j'ai pas pu. C'est vrai. Sauf que j'ai pu. Oui, bah oui, mais bon. Un album rempli de guests, que ce soit au chant, il y a également la sortie de clip de la chanson Cross Off. Voilà. C'est vrai. Allez, jetez un yeux. Chanson d'ouverture de l'album en feat. Chester Bennington au chant, Paolo Gregoletto à la basse et Alex Bent à la batterie, tous deux membres de Trivium. Et oui, et donc on rappelle que c'est l'un des derniers enregistrements de Chester avant le drame. Voilà. Et que c'est plutôt une bonne chanson, moi j'aime bien cette chanson. Ouais, ça va, passe bien. Ouais, donc ça passe bien, et puis bon bah. Paolo et Alex, hein, on va pas se mentir. Hein. Voilà, c'est ça. Ils sont pas mauvais. Oh bah dis donc, t'as deux news d'affilée. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah je suis généreux. Ah bah c'est ça. Voilà. Ça y est. Bah attends, du coup... Enfin. Ouais, ah bah oui, du coup bah, c'est bon. Vas-y. La date est tombée. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Nous étions tous dans l'expectative, mais c'est réglé. Hein, plus d'attente, plus de pression. C'est clair. C'est le... 9. C'est le 9. C'est le 9. C'est marrant en plus parce que le 9, c'est un bon chiffre. En plus, en août. Exact. Le 9 août. 9 août, apparemment. C'est ça. Pendant l'été. C'est vrai. Avec un petit goût de vacances, quoi. Complètement. On est d'accord. C'est le 9 août que sortira le prochain album de Slipknot. Soit dans encore longtemps, mais pas tant que ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais après, le Knockfest France. On est d'accord ? Bah, du coup, on n'aura peut-être pas forcément d'autres nouveaux morceaux que le single déjà entendu. Peut-être. 9 août, juin, on n'est pas loin. Peut-être un deuxième, voire peut-être un troisième. C'est vrai. Voilà. Et comme les news concernant cet album sans titre ne sont pas très nombreuses, moi je dis que le 9 août, bah, c'est déjà ça. C'est vrai. Petite information complémentaire pour tous les gens qui achètent une place pour un concert. Alors, je ne sais pas si c'est à partir de maintenant ou c'est rétroactif pour ceux qui ont acheté à Nîmes, par exemple. Mais ils font comme Metallica. Et donc, tu as l'album en dématérialisé d'offert. Ça, c'est formidable. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, là, j'ai reçu mon mail il n'y a pas longtemps du Stade de France qui me disait « Vous pouvez télécharger le dernier album de Metallica. » Oh, ils sont gentils. Ça, c'est là, je peux en télécharger 3-4, je pense, du coup, parce que j'ai déjà été... Oh. Ouais, non, c'est... Voilà. Ah, dis donc, c'est marrant que tu me parles... je passe à la news suivante, hein, pour ceux qui se demandaient. C'est marrant que tu me parles de Slipknot, parce que moi aussi, j'ai lu quelque chose cette semaine sur le groupe, et puis hier aussi, mais je vais en revenir après, à savoir que je l'ai lu sur Metal Injection, mais que j'ai repris le gros de la news sur Radio Metal, qui lui-même l'aurait reprise de The Blast. C'est beaucoup quand même. Qui lui-même c'est... doit bien la tenir de quelque part. Bref, Chris Fain, le percussionniste hollandais, pour l'aider à se situer, aurait porté plainte contre son propre groupe parce qu'il n'aurait pas touché l'intégralité de l'argent que le groupe lui devait selon sa présence en tournée. Il accuse même Sean Crahan, autre percussionniste et clown de son état, ainsi que Corey Taylor, chanteur et chanteur de Stone Sour de son autre état, d'être passé par une société tierce pour diviser les revenus liés par le merchandising au sein du groupe et de ne pas avoir respecté l'accord initial. En gros, une autre entité juridique liée à Slipknot existe et que cette dernière le lésait puisqu'il n'en touchait aucun revenu. Corey s'est presque aussitôt fondu d'un tweet pour préciser que nous allons lire pas mal de conneries dans les jours à venir et qu'il vaut mieux attendre que la vérité éclate. Donc hier, je sais pas si la vérité a éclaté, mais une news a éclaté. Chris Fain a été dégagé du groupe. Sans... Voilà, avec perte et fracas. Ah, bah là, je crois sans rien. Sans perte et sans fracas. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à un truc assez intéressant de me demander, mais en fait, comment ça se passe dans un groupe? Parce que Joey Jordison s'est déjà fait virer, donc le batteur. Ouais. Donc Paul, le bassiste, est décédé. Donc là, Chris est dégagé, mais à un moment donné, qui décide? Genre, est-ce qu'ils se mettent dans une pièce tous sans le mec en question et ils votent? Pour Paul, c'est pas évident. Bah, pour Paul, c'est pas évident. Ouais. Je dis ça parce que si on reprend le passé un petit peu, il y avait... comme il s'appelle, il y avait Jim Root, donc guitariste de Slipknot, qui était dans Stone Sour à un moment donné. Ouais. Il s'est fait virer de Stone Sour pour aller travailler sur l'album de Slipknot. C'est formidable, ça. Mais même lui n'était pas au courant, en fait. Ah bah, du coup, je me suis fait virer. Ouais, non, mais t'es plus dans Stone Sour et tu m'as préparé. Donc, c'était l'ancien album de Slipknot. C'est pas la prod ou c'est pas le genre manager. Du coup, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les deux gars qui ont la main mise sur Slipknot, c'est Sean Crahan et Corey Taylor, et peut-être leur manager, donc en gros les trois qui organisent le Knotfest. Ah, c'est une mafia en fait. Ah, mais je veux dire, ok, il y a un membre du groupe qui dit ouais, je suis pas d'accord, mais piqué de l'argent, et direct il se fait dégager. Mais se faire dégager de son propre groupe, je trouve toujours ça très bizarre. C'est pas faux. Ça veut dire qu'à un moment donné, qui décide? Parce que à la base, quand même, dans Slipknot, ils sont neuf. Alors, ouais. Ok, il y en a un qui est mort, donc ils sont plus cuits. Ouais. On vire Joey. Ils sont plus que 7. Ouais. Donc, s'ils sont 2 à décider, mais il en reste encore quand même 5 pour... Et le jour où ils seront plus que 2, du coup, qui c'est qui va décider au premier qui tire? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, Slipknot compte un membre de moins. Il fera pas partie de la prochaine tournée. Est-ce qu'il sera remplacé? Sûrement. Ça va être très bizarre parce qu'autant... Mais ils vont faire quoi du masque? Ils vont le donner à l'autre? Non. Les deux remplaçants, bassiste et batteur, ils ont un masque un peu... particulier, mais qui se ressemblent tous les deux. Pendant un temps, d'ailleurs, le bassiste jouait en retrait derrière, sans qu'on le voit. Donc je sais pas, parce que autant le bassiste et le batteur, c'était compliqué de jouer sans, autant un percussionniste en plus. Oui. Donc voilà, mais c'est très bizarre, je trouve. Enfin, quand tu peux... Je sais que c'est déjà arrivé que des membres fondateurs se fassent virer de leur propre groupe une fois arrivé, mais enfin, je trouve toujours ça très particulier, quoi. Matouchka. Ouais, enfin, il y a deux Matouchka, d'accord. Enfin voilà, donc c'était tout pour la new Slipknot, mais c'est pas mal quand même. C'est déjà assez, ouais, non, mais c'est vrai que c'est une bonne réflexion. D'ailleurs, si Slipknot nous écoute, bah, qui s'ils peuvent répondre, ou si quelqu'un d'autre a En fait, est-ce qu'à partir du moment où tu es dans un groupe, il y en a qui pose la question, excusez-moi, quelqu'un a déposé le nom? Non, c'est pour savoir. Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Ah. Et là, bam, c'est réglé. Ouais. On n'en parle plus. C'est pas faux. Je t'en prie. C'est une réflexion intéressante. Je vous en remercie. Est-ce que tu connais mon goût pour la bière? Oui, t'en bois beaucoup. Le whisky? Oui, t'en bois aussi beaucoup. Ouais. Et Motorhead? T'en écoutes. Ouais, cool. Attention, je vais me boucher. Eh bien, figure-toi pas que Mikey D, batteur de feu Motorhead et actuellement de Scorpion, eh oui, personne n'est parfait, ouais, va ouvrir un bar dans la capitale. Eh, c'est stylé. J'ai nommé Paris. C'est cool. Plus précisément, c'est au 32 rue Albert Thomas, à côté de la boulange. C'est pas loin. C'est où il y a des petits gâteaux? Bah oui. C'est vachement bon. Que l'Alabama ouvrira ses portes le 12 avril prochain en présence de Mikey lui-même. C'est cool. Cool, hein. Qui a déclaré au sujet de son bar, l'Alabama est un petit bar imprégné de l'esprit rock. Je crois pas qu'il ait un accent comme ça. Mais... D'accord. Une bonne sélection de bière et de whisky, de la bonne musique, il y a même un jukebox pour écouter vos morceaux préférés en vinyle. Eh ben, en voilà une bonne nouvelle. Tiens, c'est marrant, t'as pas de jukebox, toi? J'en ai eu, hein, quand j'étais enfant. Mais je te verrais bien avoir un jukebox. Mm. Tu sais, alors, on fait une petite aparté. Bon, déjà, attends, commentons cette news, c'est plutôt cool. Carrément. Si on a l'occasion d'aller à la capitale, faudra y passer. Faut aller voir Mickey. Pas forcément, mais au moins aller voir son bar. Qu'on aille voir... À côté de la boulange, c'est facile. C'est ça, au 32 rue Albert Thomas. C'est comme ça qu'on s'en souviendra. Tout à fait. Tu vois le petit boîtier que j'ai pour les anciens jeux rétro? Tout à fait. Tu peux aussi transformer ça pour avoir un jukebox numérique. Cool. Ah, moi, je te parle qu'on a un vrai jukebox. Je sais, mais après... Avec les boutons que tu cliquais. Oui, mais là, tu peux le refaire. En fait, je te parle de principe. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a des jukebox numériques. Voilà. Donc ok, d'accord, bah on fait ça. C'est et parti. Et du coup, tu peux faire un espèce de mix des deux, bande d'arcade et jukebox. Waouh! Ouais. Si t'es un peu bricoleur, tu peux bien te démerder. Hein. Oh, mais il y a tout sur internet, tout d'ailleurs. C'est vrai. Donc bon. Très bien. Sauf du porno. Alors, news suivante. Soilwork a sorti un plutôt pas trop mauvais album. Voilà, une seconde. Soilwork a sorti un plutôt pas trop mauvais album, Verkligheten, le 11 janvier dernier. Tu t'en souviens, Bob? Oh, quel grand moment! Eh bien, pour continuer à le promouvoir, le groupe a publié une vidéo live de la chanson Staffagel. Tout à fait. As-tu regardé? Non, j'ai pas eu cette occasion. Ou peut-être que oui, et que je m'en souviens pas, et que du coup, si je le regarde, je dis ah, mais si, j'ai vu en fait. Moi, je m'en souviens. Ouais. Ça passe très bien. D'accord. Une bonne vidéo live. En fait, j'ai voulu parler de cette news parce que je sais pas si vous, auditeurs, vous en souvenez, mais j'avais été voir Soilwork que j'aimais bien au Hellfest et j'étais parti assez rapidement parce que comme j'avais été lassé sans raison pourquoi. Sans raison pourquoi, tu vois, c'est une bonne phrase. Mais c'est bien, non, mais tu n'avais même pas besoin de te reprendre. Je trouve que ça passait très bien. Ah, je suis désolé. Ouais. Et du coup, cette vidéo live m'a donné envie de revoir le groupe en concert. D'accord. Donc, live, du coup. Donc peut-être une prochaine fois. Peut-être. J'espère. Qui sait? Espérons-le. Bah, écoute. Rien n'est joué. Je t'en prie. Ah, Avatar. Ou en un seul mot, Avatar, qui est un film que j'aime pas beaucoup trop, mais un groupe que j'affectionne plutôt bien, pas mal, va sortir un nouvel album. Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais oublié. Mais un live. Genre un style d'album que j'aime pas trop non plus. C'est donc le 17 mai que King Live in Paris va sortir et c'est donc la captation de leur prestation au Download Festival en France en 2018 qui sera gravée sur disque avec 11 titres. 11 ? Et ouais, 11 qui reprend à peu près cette liste habituelle de celles jouées en festoche. C'est vrai. Tout simplement. Voilà. Eh bien, moi, ça me hype pas du tout. Pas plus que ça non plus. Non. Mais bon, je peux comprendre. C'est toujours... Mais en fait, je suis plus surpris du côté... Sachant que tu as vu Avatar deux fois en salle, que tu l'as vu une fois au Fest, est-ce que tu crois pas qu'une captation en salle eut plus d'impact? Ah bah, largement, ouais. Bah voilà, c'est un peu ça, moi, le truc que je trouve un peu bizarre. Quitte à revoir autant Avatar, autant revoir vraiment en salle, parce que du coup, c'est vrai que même si... les ayant vus deux fois, c'est à peu près la même chose. Ouais. Mais c'est toujours sympa de revoir. Bah ouais, plutôt qu'une prestation dans un festoche. Après, bon, c'est sûrement Live Nation, voilà, enfin, c'est peut-être des arrangements de gros sons. Oui, voilà, c'est pour ça. Moi, je sais pas trop quoi dire, en fait, là-dessus. Donc, après, j'ai pas... Mais oui, c'est sûr que de... un vrai concert serait forcément plus intéressant. Toujours, en fait, je suis toujours plus ou moins surpris, sauf comme quand j'en parlais la semaine dernière, mais il y a 15 jours, pardon. Je suis toujours surpris des captations en festival, en fait. Bah alors, moi, pour te dire, oui, si, enfin, le seul que je connais, je crois que c'est Tagada. Qui est pas mauvais, mais bon, bah, forcément, c'est pas la même chose, quoi. Après, je pourrais pas dire, peut-être que j'irai faire le curieux, puis... Sur Avatar ? L'écouter, ouais, pour... Ouais, me rendre compte du son, pas. Pour me rendre compte de tout ça. Oui, peut-être, peut-être. Mais peut-être que j'irai pas plus loin que ça, à me dire, waouh, c'est trop bien. Ouais, il y a déjà des extraits si tu veux te faire une petite. Ah ouais, ouais. D'accord. Donc, c'est toujours le 22 mars. Cool. Donc, cette semaine, ouais. Enfin, que Live in London, l'album live de Zillet d'Ardor. Et oui, chaque semaine, un épisode de RTH et un nouveau titre de Zillet d'Ardor. Cette semaine, c'est le titre Devil is Fine qui est à l'honneur. Rassurez-vous, le 22, ça va venir vite. Mais d'ailleurs, je pense que j'en ai raté un parce que normalement, il y a un autre titre aussi qui est sorti. C'est possible. J'y suis pas y été. Ah, j'en ai vu un autre, moi. Enfin, il y en a un autre qui est sorti, c'est sûr. Ouais. Voilà. Ah bah, tu vas en parler un peu plus tard. C'est toi que je t'ai mis. Donc, c'est pour ça. Voilà. Très okay. Bien. Donc, voilà. Il y a une semaine et demie, c'était Devil is Fine. Ok. Je commence à être impatient de l'écouter, cet album live. En entier. Oui. Ah, parce que c'est vrai que... Alors, bref, comme ça, c'est... Surtout qu'on connaît certains titres. Bah, déjà. C'est pas évident. Jack. Oui. Si je te dis... Shock me. Ouais, je vois. Je vois. À quoi ça te fait penser ? Bah, ça me fait penser à... Eh bien, pas du tout. Ah, d'accord. Il s'agit plutôt de mon tube préféré de Baroness. Celui que je kiffe de la vie. Mm. Tu vois ? Ah oui, celui qui fait Shock me. C'est ça. Yeah, ouais. Eh bien, sache que le groupe a commencé à nous teaser un futur nouvel album prévu le 14 juin de cette année. Mais c'est super. Mais bien sûr, et ça tombe bien, j'ai rien de prévu. C'est vrai. Ce 14 juin. Moi non plus, je crois. Un teaser, disais-je, avec d'abord un riposte sur Instagram de toutes leurs pochettes d'album, avec le couleur de chacun. T'en souviens-tu ? Oui. Ah, c'est bien. Puis un teaser d'un futur titre avec une couleur afin de déchiffrer la future couleur du nouvel album. Puis ça continue avec le titre de l'album Golden Grey et son artwork toujours réalisé par John Beasley. Qui est le chanteur. C'est ça. Qui réalise toutes les pochettes. C'est ça. Qui sont plutôt très bien. Oui, oui, non, franchement, oui. Et puis qui réalise pour d'autres aussi. Ah oui, bah ça... Ouais. Comme Peak Destroyer de mémoire. Ouais, c'est vrai que c'est toi le spécialiste, j'oublie toujours. Shock me. Voilà. Et comme le groupe a commencé sa tournée US avec Death Heaven et Zillet d'Ardor, on peut trouver sur les réseaux une capture live d'un futur nouveau titre intitulé Borderlines, qui est une reprise d'un titre de Philippe Catherine. C'est quoi ça ? Non, je déconne. Ah putain ! Et même une version pop propre du titre officiel. Ah putain, je stresse. Tu l'avais pas vu celle-là ? Non, non, non, non, non, non. Eh ben, c'est pour te prouver que j'ai lu. J'ai écouté plusieurs fois ce titre, en fait. Je l'aime bien. Borderline. Ouais. Merde. Ah non, j'aime bien. Tant j'aimais plus Baroness. Enfin, j'aime bien Baroness, moins que toi. Mais C'est vrai. C'est vrai. Je suis un grand fan de Baroness. Et toi, l'as-tu écouté ? Non. Ah. Ben non, parce que je sais pas qui ça sortait. C'est pour ça. Parce que étant un grand fan de Baroness, eh ben forcément, je veux dire, je suis toute l'actu. Bah oui. C'est logique. Du coup. Voilà, voilà. Bien. Ok. Ça fait quand même 2 ans que je l'ai chroniqué. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement qu'il passe pas cette année, parce que ça aurait fait la... Ah bah oui. En plus, et pour le coup, on a vraiment raté un très bon concert, il paraît, l'année dernière. Ah bah oui. Cette acoustique. Bah oui, oui, du coup, oui. C'est dommage. Bah oui, c'est con. Donc, Elie. News suivante. Hell yeah! Groupe sympathique dont le mythique batteur Vinnie Paul Abbott, décédé le 22 juin dernier d'une crise cardiaque en plein sommeil à savoir en plein Hellfest, va sortir son nouvel et ultime album le 28 juin prochain avec Vinny à la batterie, car il avait déjà enregistré toutes ses prises pour ce sixième album. Un premier extrait, 333, 333 ou 333, est d'ores et déjà dispo pour se faire une première idée. A noter qu'un concert hommage à Vinny sera donné le 11 mai prochain au House of Blues de Las Vegas, dont une partie des ventes de tickets sera reversée à l'American Heart Association. Donc, bah, c'est cool. Il a pu finir d'enregistrer toutes ses prises. C'est doublement cool parce qu'il est mort en plein sommeil. C'est plutôt le meilleur des départs, comme on dit. Hein? Et puis, bah, c'est triste parce que, d'après ce que j'avais cru comprendre aussi, ça sera le dernier album et le groupe ne devrait pas forcément perdurer de ce que j'ai cru comprendre. Hein, donc, voilà, je ne sais pas si, justement, le premier extrait Tree, un hommage à leur délire qu'ils avaient eu avec Pantera à une époque. Ah là, tu m'en demandes trop là. Je sais plus, ils se faisaient une dent noire. Et je sais plus, j'avais vu, j'ai le DVD des vidéos de Pantera, donc t'as trois vidéos. D'accord. T'as Cowboy From Hell, Vulgar Display of Power, et la troisième, je ne sais plus. Ça doit être, voilà, c'est ça. Et en fait, quand tu regardes, c'est toutes leurs les tournées, leur vie, ouais. Des albums avec des clips, avec machin, truc. Et à un moment, ça doit être Vulgar Display, je crois, où ils se tapent un délire, et ils font tree comme ça, et ils se payent une dent noire. Donc je sais pas si c'est un hommage à ça. Ah bah peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Après, ce serait un hommage voulu de tous. Peut-être. D'accord, bah pourquoi pas. Vu que du coup, s'il a enregistré toutes ses prises, ça veut dire qu'il a aussi enregistré ce morceau. Donc, alors, oui, après, clairement. Les paroles n'étaient peut-être pas écrites. Du coup, Je sais pas. Après, je sais pas si c'est un hommage ou un petit délire qui se sont tapés comme ça. Est-ce que c'est un rapport? Bah, peut-être. Ou c'est pas la moitié de 666, alors du coup. On en saura peut-être plus. En tout cas, dans le clip, le 333 est marqué plusieurs fois. Ouais. Oui, donc c'est pas celui où il est dans la rue. Si. Ouais. J'en ai vu une partie, un clip un peu pauvre en fait, mais enfin. Ouais. J'en ai vu une partie ce matin. Ouais. Non, le titre est correct. Ouais. C'est pas. Enfin, ouais, voilà. Oui, bah après. Oui, voilà. C'est news ça. Suivante. Dis-moi, Jacques. Oui. Ah c'est quoi la nouvelle chanson de Zillan Harder cette semaine? Dis-moi tout. Devil is Fine, je l'ai dit tout à l'heure. Mais elle remonte à 15 jours, donc cette semaine, ça doit être une autre. Ah ouais, d'accord. Je parle du nouveau titre, live, tiré de l'album Live in London, toujours prévu le 22 mars, c'est-à-dire vendredi. Et nous avons déjà pu entendre à peu près 75 extraits, c'est ça? Ouais, d'accord. Tu ne sais pas? Eh bien, c'est le titre We Never Fall. Mais je t'en remercie. Te voilà bien informé maintenant. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Bah du coup, finalement, il n'y aura peut-être plus rien à écouter vendredi. Bah peut-être. Qui sait? Eh ben, j'écouterai quand même. Ouais, mais tout à la suite, du coup. Ah oui, pour faire genre... Ah, oh, c'est un vrai concert. Ouais. C'est cool. Et c'est vrai que c'est un peu... Est-ce que tu l'écouteras, quand même? Oui, je pense, ouais. Parce que j'aime bien Zillan Harder, c'est sympa. Et puis bon, on n'a pas arrêté de se le teaser. Je pense qu'on pourrait limite être sponsor, vu le nombre de fois où on en parle. Ouais, c'est vrai, ça. Écoute, Manu, si tu nous écoutes. Bon, je crois pas. Hein. Et en parlant de ça, Nico, t'as toujours pas payé ta bière. Il a écouté, il a vu qu'on... Mais... Oui, c'est vrai ça. On peut ouvrir un compte PayPal hein, s'il faut. Hein. on n'est pas des rats un peu. Ouais, y a pas de souci. Bon, alors j'avais annoncé lors de ma chronique sur Possessed, que le groupe travaille actuellement sur du nouveau matériel. Nous en savons un peu plus à ce sujet, avec le nom du prochain album Revelation of Oblivion qui sortira le 10 mai, qui comportera 12 titres. Son artwork est également disponible et qu'un premier extrait No More Room in Hell est déjà dispo en écoute. Je tiens à rappeler que c'est le premier album depuis Beyond the Gates qui date de 86. Eh, hey, bravo les mecs. Ah, ça c'est des mecs qui sont productifs. Ça. C'est clair. Ils n'ont pas le temps. Bam. Voilà. Et là, ils sont là. C'est ça. Formidable. Une petite news rapide pour finir, ça te dit? Oh ouais. Écoute, je vais te dire un truc. Un truc sur Ghost même. D'accord. Tu avais remarqué qu'à chaque album, Tobias changeait d'entité. Hein, avec après les papas Emeritus 1, 2, puis 3, on a eu affaire au Cardinal, hein, pour bien perdurer au-delà d'un seul album, Tobias s'est exprimé ainsi. Aujourd'hui, si tout se déroule selon le plan, on espère que le Cardinal soit assez cool et fort pour réaliser quelque chose que les autres figures n'ont pas fait. D'accord ? On est d'accord. Restez pour deux cycles. Toujours d'accord. On parle de... Oui, de, donc de deux albums. C'est ça. Un album assez... Je trouve ça intéressant, parce que chaque autre personnage que nous avons, que vous avez déjà rencontré, avait déjà réalisé quelque chose. Ils ont déjà accompli. Il n'y a pas d'histoire. Oui, parce que c'est des papas éméritus. C'est ça. Le cardinal, il peut encore évoluer. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis. Moi, j'ai analysé le truc. Cette fois, le cardinal présenté est très al dente. Avec l'accent. Eh oui. Il résiste un peu à la mâche. La salade, hein. Oui. D'accord. Même moi, je ne l'aimais pas au début. Pas toujours. Mais maintenant, je veux le voir accomplir ses choses et j'espère le voir avec toute l'attirail pontifical. Ou quand l'univers autour d'un groupe dépasse celui créé par sa propre musique. A noter que le groupe réfléchit également à son futur DVD live qui sera filmé. Où son futur DVD live sera filmé? Où? Ah oui, pardon. Où son futur? Ah oui. Donc, ils savent pas, en fait. Non. Non, ils savent pas encore, ils hésitent. Peut-être au dans le Pardon, excusez-moi, oui. Peut-être au dans l'autre festival. Ah bah peut-être. Peut-être. Non, alors c'est vrai que c'est intéressant de voir comment Tobias envisage tellement l'histoire autour de ce qu'il fait et que bah, musicalement, c'est devenu complètement autre chose. Hein. Là, je peux pas vraiment me dire parce que moi, j'ai pas accroché du tout le dernier album. Bah non. Donc, Bah oui, mais pourquoi? Parce que maintenant il passe sur toutes les radios populaires. C'est ça. Et c'est pas forcément un mal en soi qu'il passe. C'est juste que, bah. Je sais pas, c'est toujours compliqué de parler de groupes qui évoluent ou de groupes qui. Enfin, qui changent. Enfin, c'est. Voilà, je trouve ça assez particulier. Après, si les vrais fans purs et durs apprécient l'évolution. Je pense pas. Je pense pas non plus, je pense pas. Mais est-ce que c'est à eux que ça s'adresse? Alors, dans ces cas-là, je trouve ça un petit peu... Je dirais dégueulasse, mais... Ah, oui et non. Par rapport à ce qu'il avait l'air de dire dans les interviews, c'est que lui, il s'adressait à ses fans, à tout le monde, mais qu'il était surtout en train d'essayer de se renouveler d'une certaine manière. Si ce mec, il arrive à continuer comme ça, à continuer de grossir, pour moi, c'est un génie, parce qu'il aura réussi, en partant d'un truc black metal, à arriver à un truc... tu vois ce que je veux dire? Il est parti de... Alors, effectivement, il a pris le mouvement au très très bon moment, au moment où le black metal était populaire, et que voilà, il a réussi à s'y engouffrer, maintenant, il essaye d'orienter vers quelque chose de totalement moins black metal, et qui va ramener, ou alors peut-être encore dans certaines paroles et la manière de faire des trucs, mais musicalement, qui s'en éloigne le plus possible. Mais s'il arrive à devenir encore plus gros que ce qu'il est aujourd'hui, chapeau, hein, s'il arrive à toucher autant de public et qu'il aura bien joué son coup. Ouais. Est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est une autre histoire, mais je vais me reboucher un coup. Eh bah vas-y, fais donc. Bah vas-y. Donc c'était la fin des news. On va passer aux quelques news Hellfest que nous avons cette semaine. Je te laisse commencer. News Hellfest. Hell is getting closer. Le 13 mars, le Hellfest tient à nous faire savoir qu'il reste moins de 100 jours avant le grand jour. Le jour J, enfin le DD, donc D-100. Eh oui, c'est vrai. Donc là, techniquement, il ne reste plus que 94 jours à attendre. C'est vrai. Ça fait beaucoup de dodo. Bah ouais, enfin, ça fait à peu près... c'est même mars, avril, mai, ça fait 3 mois, quoi, ça va. C'est ça. Et ça fait encore pour nous pas mal d'émissions, hein. Encore pas mal de groupes à écouter. On a dépassé la moitié par contre. Ouais. Je tiens juste à préciser, non mais c'est bien, c'est gentil. Merci à toi. Oh, je t'en prie. Dis-moi, Bob. Pourquoi? Oui. Ton t-shirt est mort. Paix à son âme. Ah bah, donc tu confirmes. Ouais. T'inquiète, Voilà le nouveau t-shirt du warm-up, Libéré l'apéro, qui représente une main squelettique qui fait le signe du horns up en tenant une canette de bière qui éclabousse, s'ouvre ou se renverse. Bref, un t-shirt sympa que l'on pourra se procurer lors de la tournée warm-up à travers toute la France. Petit point sympa, le hashtag MakeApéroGreatAgain qui m'a fait beaucoup rigoler. Moi, il m'a fait sourire. As-tu vu le t-shirt ? Qu'en as-tu pensé ? J'ai vu le t-shirt. Il y a des mieux, mais il est sympa. Te laisseras-tu tenter lors d'une soirée warm-up ? Je ne sais pas. À voir. Pourquoi pas ? Je te dirai ça. Une fois sur place ? Une fois sur place, si le cœur m'en dit. Tu n'hésiteras pas à en faire un unboxing en live par la suite ? Tout à fait, c'est ça. Alors, je l'ai retiré de la languette qui l'entourait. Là, je le déplie. Voilà. Bon, moi, c'est un t-shirt. Ok, cool. Je t'en prie. Hellstats. Ouais. On est d'accord. Le 15 mars, le Hellfest inonde ses réseaux avec un questionnaire à ce message. Pardon. Afin d'améliorer le festival et de rester à votre écoute, nous réalisons une enquête en collaboration avec Corentin Charbonnier, docteur en anthropologie, dont la thèse était, ouvrez les guillemets, le Hellfest, ouvrez les guillemets, le Hellfest, un pèlerinage pour Metalhead, fermez les guillemets. Voilà, voilà. C'est ça. Pour répondre au questionnaire, 15 à 20 minutes sont nécessaires. Le questionnaire sera disponible en ligne jusqu'au 30 avril 2019. C'est alors, vrai. Alors, foncez, n'hésitez pas. Nous l'avons fait. On l'a fait, chacun de notre côté. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un questionnaire qui brasse très large, qui commence par vous poser des questions sur vous, la manière de vous écouter la musique, ce que vous écoutez, ce que vous préférez comme style, ce que vous n'aimez pas comme style de métal et hors métal. Après, ça parle du festival, de votre fréquentation du festival, ce que vous aimez dans le festival, ce que vous aimez moins dans le festival. Et après, ça termine par qu'est-ce que vous voudriez changer, qu'est-ce que vous voudriez améliorer. Moi, je vous conseille de faire comme moi et de dire améliorer le parking. Faut je l'ai fait aussi, ça. Améliorer le parking. Ouais, qu'il soit plus près pour nous. Voilà. Pardon ? Oui, vas-y. J'allais dire, après, c'est vrai que c'est un questionnaire qui brasse assez large et qui est plutôt bien pensé. Donc, je serais assez curieux d'avoir des retours une fois bien terminés et analysés pour voir ce qu'on peut en déduire. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des trucs intéressants qui en découlent. Et donc, tu allais dire quelque chose après ? Oui, j'allais dire, faites pas comme moi quand ils vous demanderont quel média. Hein. Bah oui. Voilà. Le média, c'est Road to Hellfest. C'est ça. N'hésitez pas. Moi, j'y ai pensé. Moi, j'y ai pas pensé. Le mec est pas corporate. Ah, c'est ça. Pas du tout. Bon, allez. Pas dernière sympa. News Hellfest. Je suis enrhumé. Non, mais c'est moi. Qu'est-ce que j'entends ? Bah non, mais tu attends quand même. Oh, je le porte sur moi. Bon, je suis enrhumé. T'as pas vu mes docs ? Le jeu de mots est quand même pas mal. Ouais, carrément. Pas mal. Oh, trop fort. 17 mars, c'est-à-dire dimanche, comme quoi ça bosse même le dimanche, la page Facebook du Hellfest a relayé un post de Doc Martins qui offre 2 places pour une date au choix de la tournée warm-up qui, je le rappelle, débutera le 17 avril et s'étalera jusqu'au 30 avril avec la fameuse soirée spéciale à Nantes au Zénith. Mais trêve de blabla, comment c'est-il qu'on gagne des places ? Facile, tu remplis le bulletin avec ton nom, ton prénom, ton mail et tu choisis la date où tu veux aller. Tu cliques sur « Je participe » et tu attends le tirage au sort. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Hein. Ah ouais ? Parce que t'as toujours pas pris ta place pour le warm-up ? C'est pour ça. Ouais, super. Oh, ça va, j'ai le temps, je suis large. Donc voilà, c'était... Ah bah, bravo. C'était les News Hellfest, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais bon. On va passer à la partie Knotfest. Est-ce que tu as écouté d'autres choses dans la semaine et que tu voudrais nous en parler ? Alors, j'ai écouté d'autres choses. Ah ! Mais j'ai plus les noms, parce que c'est des découvertes, et du coup, il faudrait que je retrouve. J'ai pas noté. Bah oui, parce que c'est plus facile quand on note. Bah ouais, et puis comme ça, ça permet de donner les noms, et puis de pouvoir en parler un peu. Et puis d'échanger, tout ça. D'échanger, ouais. Du coup, ouais. Bah, ta technique est bonne. Ouais, je trouve que je vais la garder, puis je vais essayer de l'améliorer un peu. Bah parfait. Ouais. Bah je t'en prie, passe au News Knotfest. Attention. 80% des places vendues pour la première date du Knotfest en France. À peu près. Hein. Ça fait juste 2 mois qu'il reste 80%. Non, mais ça va, on est large. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival, 5 groupes américains et 5 groupes européens. Cette semaine, c'est au tour de Sick of It All. Et on en serait bien à 5, un groupe. Hein. C'est formidable. Tu es enrhumé. Grave. T'as vu tes docs? Bah écoute, vas-y, fais ton truc. Sick of It All. C'est un groupe de punk hardcore américain, originaire du Queens à New York. C'est vrai. Formé dans les années 80. Exact. Et les mecs quand même. Hein. Début en 86, pour être précis. Ouais. Composé originellement des deux frères Coller, Lou Coller au chant et Pete à la guitare, qui commencent chez leurs parents avant d'être rejoints par Arman Majidi à la batterie et Rich Cipriano à la basse. Sick of It All joue un hardcore proche de ses racines, sans compromis. Le groupe publie un album de 9 titres sur un label indépendant en 87. Le premier vrai album sort en 89 avec 19 titres. Excuse-moi, Bob. Ça va ? Prends le temps de respirer. Bah non, mais comme ça rentre. Ah oui, non, mais c'est scolaire. Oui. Deux poids, deux mesures. Après deux ou trois changements de line-up et plusieurs sorties, album, EP, live et tutti frutti. Bah non, tutti quanti. Le groupe multiplie les tournées et trouve enfin sa forme définitive avec l'arrivée de Craig Setai à la basse, tout droit sorti d'Agnostic Front. Et oui. Ce qui revitalise le groupe ainsi que la scène new-yorkaise selon Wikipedia. Ça revitalise ce qui était marrant. Parce que du coup... Ouais, c'est ça. C'est... Tu vois ? Ouais, le côté... Ouais. Ouais, je comprends. Ah bah, complètement. Actuellement... 12 albums studio sont sortis. Le dernier remonte à novembre 2018. Autant dire que c'était hier. C'était hier. Mais pas que. Quelques performances scéniques, je suppose des lives, ou encore, par exemple, pour commémorer leurs 25 ans, le groupe réenregistre 20 de leurs meilleurs titres, principalement du premier album. Ils sont considérés depuis deux décennies comme les rois du NYHC. Qui n'a rien à voir avec les YMCA. Et non. C'était ça. Eh ben, permets-moi de te dire que c'était. Et qui veut dire New York Hardcore, bien sûr. Hein, qui n'a vraiment rien à voir avec le YMCA, en fait. Qui veut dire quoi, YMCA, d'ailleurs ? YMCA. Ah, c'est ça. Grâce à leur texte tranchant et à leur partie instrumentale explosive. Putain, j'allais dire un autre truc. Leur partie... Je connais pas cette partie là-bas. D'accord. Notamment une utilisation rare d'overdrive sur la basse. D'accord. En 2016, pour fêter leurs 30 ans, ouais. Leur 30e anniversaire, ils célèbrent ça avec une tournée mondiale, car le groupe tourne encore et toujours, que ce soit dans les grandes villes ou de plus petites. Et en France, c'est Rage Tour qui s'occupe de les faire tourner. Et c'est donc le 20 juin que Sick of It All viendra nous réveiller, car si on suit l'affiche du Knotfest, il devrait passer en second juste après Amaranth, vas-y, tu peux le dire. Amaranth, c'est Amaranth, il passerait après Amaranth. Parfait comme mise en bouche. Voilà, c'est bien, t'as presque réussi. Non mais j'ai vu, tu l'avais. Je suis désolé, j'ai craqué. C'est beaucoup plus facile de le dire que de l'écouter encore. Ouais. Je vais essayer de m'entraîner cette semaine et puis la semaine prochaine, je vais... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolé. Alors, Sick of It All, qu'est-ce que toi t'en penses ? Ah bah, punaise, j'ai écouté... en fait, j'avais commencé à écouter... Il y a pas mal d'albums, hein, ouais, comme, bah, comme c'est marqué. J'ai écouté les 3 ou 4 premiers, ouais, pour commencer. Bah putain, c'est expéditif, quoi. C'est impressionnant. Ah, t'as pas le temps, hein. Une minute, je crois, hein. Ça dépasse pas les une minute, hein, chaque morceau. Ah, mais faut, sur faut... le premier, ça va commencer à monter à près de 2 minutes sur le deuxième, ouais, album, et on dépasse les 3 minutes 18, je crois, sur le troisième, je crois, un truc comme ça. C'est expéditif, c'est ultra efficace, quoi. Ça balance, ça envoie, c'est Sick of It All, quoi. C'est les rois des YMCA. D'accord. Voilà. Pour ma part, moi, je suis plus intéressé par ce qu'ils proposent après les années 2000. Ce qu'ils ont fait avant est un petit peu trop expéditif et justement, ça manque un peu de... Comment je pourrais dire J'allais dire de volume, mais c'est pas le mot. Ça manque plutôt de texture. Un peu de... Ouais, c'est la même chose. Le côté... Je suis plus intéressé par ce qu'il... Ouais, j'ai vu. Ouais. Je suis plus intéressé par ce qu'il propose. Ce qu'il propose après, ils vont un peu plus loin dans la recherche. Ça m'intéresse plus à partir de ce niveau-là. Mais pour le reste, c'est vachement bien. Mais si on devait faire un comparatif avec les autres groupes, justement, qu'on a pu écouter de hardcore ces dernières années, que ce soit Hellbred ou Madball, bah, c'est... Sick of It All n'est pas mon préféré. C'est différent. Ouais, là, c'est du punk hardcore. Ouais. Hellbred ou comme Get the Shot ou des groupes comme ça, c'est du hardcore tout court. D'accord, et ben. Là, c'est du punk hardcore. Et ben, je préfère le hardcore tout court. Alors. Moi, j'ai revu du GBH ou des groupes comme ça, tu vois, vraiment. Les... En même temps, ils sont 86, hein, les mecs, donc c'est assez vieux quand même. Hein, donc, j'ai retrouvé des vieux morceaux de GBH que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et ouais, j'ai bien aimé. Moi, mais c'est pour ça que je préfère après 2000. 2000, je trouve qu'ils ont un peu plus. Bah, moi, justement, j'aime bien. Hein, j'aime bien tout ce qu'ils ont fait. J'aime bien tout ce qui est un peu expéditif comme ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi leur dernier album, qui est vraiment très bon pour le coup. Ouais, moi, j'avais acheté l'avant-dernier. Ah, quand même, t'as acheté. Le blanc avec le serpent. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le serpent, c'est leur animal logo un peu. Ouais. Je l'avais acheté, qui est un très bon album. Ma part, j'aime bien. Je suis assez pas fan, mais j'aime bien. Ça dépend de l'humeur, c'est ça aussi, quoi. En fait, ce que je pourrais reprocher à ça et que j'aime un peu moins, c'est Last Act of Defiance que t'as. Ouais, c'est celui-là. C'est pas le dernier, je crois. C'est l'avant-dernier. Peut-être. Oui. De mémoire. Exact, oui. Moi, justement, ce que je reproche, c'est que comme c'est trop court, il n'y a pas de moment ou de morceau qui ressort pour moi, tu vois. Et du coup, j'ai besoin d'un peu plus pour justement... Mais c'est ce que je te dis, moi, ça dépend en fait de l'humeur. D'accord. Du moment. Et du coup, est-ce que tu as déjà vu Sick of It All en live? Alors ça, je ne pourrais pas te dire. C'est possible. Moi, j'ai dû passer à côté plusieurs fois. Je ne suis pas allé les voir en concert, c'est sûr. En festival, j'ai dû passer peut-être à côté. Je n'en suis pas sûr non plus. Parce que je sais que j'ai regardé des lives cette semaine en m'occupant un peu de ça, et du coup bah c'est hyper efficace, ça en fait ça passe beaucoup mieux le côté expéditif en live, je trouve. Oui, du coup t'as l'ambiance qui est là. Ouais, mais donc tout seul dans ta bagnole, ou c'est pas évident quoi d'avoir l'ambiance quoi. Bah non, mais après bon, c'est quand même là pour être écouté, donc c'est tout à fait. Et du coup, est-ce que tu penses aller les voir? Oui. Tu seras devant? Bon oui, bien sûr. Bon, bien sûr. Donc ça veut dire faut que t'arrives à Juste après à Marante. Ah, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc, faut timer le bon moment pour arriver, alors. Ouais. D'accord. Moi, je pense que c'est jouable. Soyons fous. Ouais. Eh bien, d'accord, très bien. Ouais. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Sick of It All? Oh, bah non. Donc, on va passer aux chroniques. Ah, d'accord. Parce que ça va faire déjà 52 minutes qu'on enregistre. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Tu commences? Je te dirais oui, comme ça. Ah, attends, bouge pas. J'ai un truc... Dans la poche. Tintin. Wouah! T'as imprimé quelque chose? Non, je n'ai pas imprimé parce que moi je suis un mec de l'écritage. Et j'aime bien faire de l'écritage. Eh ben c'est bien. Parce que c'est formica. Parce que. Tintin, nous avons eu. Comment tu trouves cette nouvelle présentation alors que j'ai mis sur le doc? Pour plus que tu te trompes. Ah! Mais ah! Ça, on allait zapper. Mais non, j'ai pas zappé. On a une Je pense que c'est le bon moment. On a une mise à jour d'une chronique de Bob. C'est le bon timing. Celle qu'il n'a pas fait la dernière fois. Voilà, parce que j'ai pas pu. Donc, il s'agit de Last Temptation. Tout à fait. Qui est donc pas du tout le groupe que t'allais nous parler. Ah, et ça va. Non, mais je recontextualise. Recontextualisons. Donc, suite à ta chronique si particulière... Donc, plus que douteuse. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'en est passé des choses. Nous avons fait un rougail saucisse. Ah, c'était pas de ça que tu parlais? Qui était très bon. Qui était très bon. On en a eu pour notre... Alors, donc... Nous avons eu... Des petites nouvelles. Tiens donc, s'est-il passé au juste? Eh bien, un certain Peter. Alors, excuse-moi si tu écoutes, si tu n'écoutes pas, excuse-moi quand même. Un certain Peter Chetower. C'est pas mal, ça sonne. Nous a écrit. Attends, comment? Comme ça? Le mec, voilà. Direct, il nous écrit pour nous parler. Il nous écrit, voilà. Putain, les mecs, il nous envoie un message sur Road to Hellfest directement. Ah, donc ça veut dire qu'on peut le faire, donc c'est pas une erreur, on peut recevoir des messages. On peut recevoir des messages, dis donc. Si on n'en reçoit pas, c'est normal. Alors, je vais quand même vous lire. C'est lui qui a commencé, hein, c'est pas nous. Hein. Le 8 mars, 14h30, 14h53. Et hey, nous avons enfin pu écouter le podcast hier, notamment la chronique de Bob sur Last Temptation, qui nous a bien fait rire. Effectivement, peu d'infos sont encore disponibles. L'album est en cours de mixage et le label a l'exclu sur les annonces. Donc, dès que c'est dehors, vous serez informé, Peter, pour Last Temptation. Merci à toi, Peter. Il est très sympa, ce Peter. Il est très sympa, ce Moi, Peter. C'est déjà presque mon meilleur ami de la vie. Hein. Pareil, c'est un nouveau frère de métal. Donc, moi, je lui réponds, forcément, parce que je suis un mec sympa. Et il met, pas de soucis, je reviens vers toi ce week-end. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Un homme de parole. Un homme de parole. On verra s'il a la parole jusqu'au bout. Voilà. Il me répond. Hello. Last Temptation a été créé autour de Butcho Vukovic, pardon, entre parenthèses Watcha, et Stream Temple of Brutality, Killing Machine. Donc c'est lui. Oui. Voilà, qui jouait dans ces trois groupes, Stream, Temple of Brutality et Killing Machine. Pour créer une nouvelle formation. Pour l'album, nous nous sommes entourés de plusieurs musiciens avec qui j'avais déjà enregistré et tourné. On retrouve sur l'album Bob Daisley. Donc Bob Daisley qui est un bassiste australien de hard rock heavy, qui a joué avec notamment Gary Moore, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, ouais, bah, et c'est d'autres. Facile. Voilà. Vinny Opice, j'imagine que ça se prononce comme ça, qui est batteur américain de New York, qui a joué avec Dio, Black Sabbath, Kill Devil Hill, où on peut retrouver justement Rex Brown, ex-Pantera, et Last in Line, entre autres. Don Airey, qui est claviériste britannique, actuel claviériste de Deep Purple, Rainbow, il a joué dans Rainbow, Jethro Tull, Coliseum 2, et d'autres. Grosso merdo, ouais, c'est des mecs. Mal, voilà. James Lomanzo, qui est bassiste aussi américain, qui a joué avec Megadeth, Black Label Society, Slash Snake Pit, Hail, ouais. Et bien d'autres. Peut-être. Stet Holland, pas Holland, O-W, voilà, qui est batteur américain aussi, qui a joué dans Snapdragon, Rockestra, Temple of Brutality et Killing Machine. Justement, ah. Avec Pete. Steve Unger, qui est bassiste américain, qui a joué dans Killing Machine, Metal Church, dans lequel il officie encore, dans les deux groupes. D'accord. Voilà. Donc, les deux derniers constitueront la section rythmique pour cet été. D'accord. Voilà. Donc, Stet Holland et Steve Unger. Ok. Quant au style musical, nous sommes classés Heavy Classic Rock. Le label sera annoncé dans les prochaines semaines, ainsi que la date de sortie et d'autres dates de concert, ce qui rendra la communication beaucoup plus facile et évitera les confusions avec d'autres groupes homonymes. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un petit clin d'œil, tu vois, du genre. Un ou plusieurs titres seront diffusés d'ici peu sur nos réseaux sociaux. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Voilà, donc après, oui, tu peux me citer, donc je l'ai cité. À bientôt, Pete. Eh ben, merci beaucoup, Pete. Merci à toi, Pete, pour toutes ces infos. Ça fait du plaisir. Eh ben, du coup, je pense que c'est avec plaisir qu'on partagera une petite bière et qu'on posera quelques questions. Voilà. Ça pour... Si l'occasion s'en présente. Faudrait qu'on arrive à se croiser autour d'un festival où à un moment donné, ils sont là et puis nous aussi. Un truc, on dit, carrément. Mais qu'est-ce que vous faites là, Pete? Ah bah, Road to Hellfest, ouais. Ah bah, c'est super. Voilà, ce serait l'occasion rêvée. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est quand même triste d'en arriver à ce que ce soit les groupes eux-mêmes qui font la musique. C'est clair. Mais en même temps... Mais en même temps, il n'y avait pas de communication de quoi que ce soit. Lui-même, voilà. Voilà. Donc, à le dire qu'il n'y avait pas de communication. En tout cas, le mal est réparé. Voilà. Et donc, c'est avec encore plus... que nous allons c'est ça d'impatience, voilà, que nous allons suivre l'avancée et les sorties de ce groupe pour avoir enfin quelque chose à écouter, voilà, prochainement, nous espérons. Il y a du beau monde, hein. T'as vu, ah ouais, il y a un peu trop de beau monde. Moi, ouais, je trouve trop, aussi. Trop, ouais. Trop de beau monde. Du coup, on attaque la vraie partie chronique de cette semaine. Veux-tu commencer? Ou veux-tu... Bah ouais. Eh ben, j'entends pas. Donc moi, j'avais Daughters. Daughters. Daughters. Donc, qui est un groupe américain de Madcore, qui a officié de 2001 à 2009, qui a fait une petite pause et qui a repris en 2013. Voilà, tout simplement. Ils sont de Providence, hein, dans Rhode Island. Ouais. Le groupe est formé au cours de l'année 2001 à Providence. Après avoir sorti une démo éponyme, le groupe sort un premier album studio en 2003, Canada Songs, que notre cher ami Trent nous a conseillé. Ouais. Enfin, plus à moi, parce que du coup, c'est... Bah oui, plus à toi, du coup. Sous le label Robotic Empire. Le deuxième album studio du groupe est intitulé Hell Songs et sort en 2006 sous le label Hydra Head Records. Ils sont actuellement toujours sous ce label. D'accord. Le groupe réédite son EP éponyme sous le titre 2002 EP le 1er avril 2009. Le groupe annonce la sortie d'un troisième album studio vers l'année 2009, dont les enregistrements débutent en avril 2009. Ce troisième album, intitulé Daughter, est publié le 9 mars 2010 sur Hydra Head Records. Le 13 septembre 2013, Daughters se reforme pour un concert en Rhode Island, donc chez eux. Après de nombreuses demandes, un second concert est programmé le 15 septembre. En été 2014, le groupe annonce un nouvel album suivi par une vidéo du batteur John Siverson. Voilà. D'accord. Donc moi, ce que j'en ai écouté, c'est assez spécial. Ouais. C'est très spécial. Alors, en fait, c'est particulier parce que j'avais mis les morceaux de la playlist, détonne un peu avec le reste aussi, je trouve. Donc, je sais pas si tout l'album est comme ça ou pas. Ouais. Mais c'est particulier. Je... Donc moi, n'ayant pas trop le temps d'écouter de la musique comme toi, tu peux l'avoir. Ouais. J'ai pas la même écoute et j'ai pas la même facilité. Du coup, j'ai écouté au début. Quand la même facilité, tu sais, je risque juste mon travail à chaque fois. Hein. C'est pas, c'est oui, vrai. Voilà, non, mais ça reste du camouflage. Voilà. Et donc, ouais, non, j'ai écouté juste après avoir eu les groupes, donc quasiment le lendemain, en me disant, faut que j'aille écouter pour faire des belles découvertes. Donc, de mémoire, ce que j'en ai, parce que ça fait quand même 15 jours. De mémoire, ce que j'en ai entendu, ouais, c'est assez torturé, aussi bien musicalement que au niveau du chant, et c'est très déstructuré. Et donc ouais, du coup, faut que je réécoute vraiment. Bah du coup, je vais écouter Canada Songs. Parce que t'as pas écouté Canada Songs. Peut-être. En fait, j'ai été sur Spotify, j'ai écouté. Voilà, Daughters, et puis j'ai pas cherché à dire tiens, j'ai écouté ça, tu vois, j'ai pris et j'ai écouté. Donc, du coup, j'ai pas le précisément, et puis je pourrais pas te dire, même si j'aurais écouté maintenant en disant ah ouais, ça j'ai écouté. Ouais, c'est tellement. Voilà, c'est spécial. Donc, du coup, à approfondir. D'accord. Ouais. Donc, c'est une bonne chronique à la Bob, alors. Ouais, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Très bien. Mais. J'ai pourtant eu l'impression que quand ta première impression n'était pas forcément positive. Oui, ma première impression n'était pas forcément positive, même pas du tout, je dirais. D'accord, mais ouais. Malgré tout, tu as envie quand même d'approfondir. Ouais, bah ouais, parce que, bah, je sais pas, j'ai quand même été voir plus loin chez Baroness, quoi, par exemple. Ouais, oui, mais oui, d'accord. Non, mais très bien, ouais. Ok, donc je pense qu'on aura une mise à jour la semaine prochaine. Non, mais j'aime bien faire des mises à jour la semaine prochaine. Très bien. Rien d'autre à ajouter? Bah non, désolé. Hein. Bah, ne le sois pas. Je le suis pas. C'est une formule, en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est comme ça va. Tu vois, tu t'en fous. Ouais, ouais. Oui, bonjour? Non. Ah, d'accord. Bah non. Non, puisque ça peut te foutre, déjà. Tu vois. Et bah, moi, comme premier groupe, j'ai eu Dent avec 2D. Dent. Dent est un groupe de doom atmosphérique, instrumental et hypnotique qui vient de Paris, agrémenté de plans post-rock, metal, noise ou encore indus. Autant dire quasiment tout. Cocorico, bon, après, c'est... Ah oui, non, mais moi je dis ça. Ah ben si, mais pardon, Cocorico, mais parce que c'était pas lié de... Oui, d'accord. Lié neuf. Cocorico. Il réunit Louis à la guitare, Marc à la batterie et Nico à la basse. Tiens. Tiens. C'est après marrant, un premier EP en 2014, le premier album Ekiteb en 2000. Alors, c'est parce qu'en fait, c'est d'écrire en arabe. Oui, donc, j'ai vu ça. Moi, je lis pas l'arabe. Ouais. Mais j'ai vu que ça se disait Ekiteb. En 2007, qui veut dire mélancolie ou dépression en arabe. Ah, c'est gay tout ça. Le trio est rejoint par Vince pour assurer la seconde guitare. Et c'est en 2018 que Toro, T-O-O-R-O, deuxième album est sorti. Je tiens ces quelques infos du site Metallurgy. Mais comme Vince y a bossé, je suppose qu'elles sont justes. Ah ah! Tu vois, c'est malin. Hein. Du coup, ça fait donc 2 semaines de suite que j'ai un album sans chanteur. Eh ben, bravo! Alors, si j'aime pas faire ça, mais forcément, comme c'est 2 semaines de suite, je me retrouve à faire une comparaison. Même, même inconsciemment. Comment c'est pas bien ce que tu fais. Tu sais, quand t'écoutes un groupe sans chanteur et que tu retiens ça, et que la semaine d'après, t'as un autre groupe sans chanteur et que tu dis ah bah, il y a ça. En fait, en comparaison avec My Sleeping Karma, My Sleeping Karma m'a plus touché. Voilà, j'ai trouvé le côté plus ambiance intéressant de My Sleeping Karma. Pourtant, Dan, t'es pas du tout nul. C'est juste que quand j'écoutais Dan, je me disais, ah bah, ce groupe sans chanteur m'a moins touché. Par contre. T'as dit ça comme ça ? Hein ? Ouais, comme ça. Ah, j'étais là, ah bah, dis donc, ce groupe sans chanteur. Par contre, j'ai réécouté un petit peu ce soir, et là, ça faisait peut-être une petite semaine que j'avais pas écouté. Et j'ai été beaucoup plus dedans. Ouais. Mais j'ai écouté plus Toro, donc le deuxième album. D'accord. Et tu vois, si je devais faire une comparaison, ok, pourtant, la dernière fois, j'ai dit que My Sleeping Karma, j'aurais très envie de les voir au Hellfest, mais j'irais pas forcément les voir ailleurs. Dent, je pourrais aller voir plus facilement ailleurs. Musicalement, ça s'y prête plus. D'accord. Parce que c'est moins planant, je trouve, que My Sleeping Karma, et donc ça fait plus. Y a plus de trucs qui pourraient m'intéresser dans un concert. Plus concert. Ouais, plus. Tu vois, c'est bizarre hein, comme truc. Ouais, c'est bizarre. Mais en même temps, tu es bizarre. Bref, c'était plutôt sympa à écouter. Je le réécouterai sûrement à l'occasion parce que ça passe très bien. Je pense que j'irai voir le groupe s'il n'y a rien d'autre en face. Parce que ça, j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner sur scène. J'en suis pas au point d'acheter un CD. Mais je réécouterai avec plaisir parce que c'est pas désagréable. D'accord. Voilà ce que j'ai à dire sur Dent. Je te laisse ton deuxième groupe. Le Bal des Enragés. Qu'est-ce que c'est ? C'est un super groupe de punk hardcore français. Il est composé de musiciens de Tagada Jones, Parabellum, Lofofora et de membres de Loadblast, Punish Yourself et, oui. Et Black Bomba et Acme. Et aussi également. Ouais. Créé pour une date unique en 2009. Le supergroupe se reforme régulièrement pour des tournées brèves. Pas confondre avec bref. Non. Mais très drôle. Le projet a démarré à l'initiative des Tagada Jones en 2009, qui ont invité plusieurs artistes pour leur concert au festival Pont du Rock. L'accueil positif du public et l'envie des membres à transformer cette invitation en projet musical se reformant tous les 3 ans. Déjà. Voilà. Le Bal des Enragés joue des reprises de morceaux rock, punk, mais aussi metal, metal industriel, et bien d'autres, et j'en passe. Et des meilleurs. Et des meilleurs. C'est vrai. Qu'aussi des moins bons. Ah oui, c'est pas faux. Alors, dedans, bah, on trouve. Alors, ça, c'est pareil. Je crois que le Wikipédia du Bal des Enragés n'est pas très à jour. Parce qu'il marque qu'on peut trouver tous les membres de Tagada Jones, mais aussi tous les membres de Parabellum. Ce qui est moins évident à l'heure actuelle. Tous les membres de Lofo, Vince d'Acme, Poon de Black Bombay, quelques membres de Loadblast et quelques membres de Punish Yourself. Sans préciser réellement lesquels. Donc c'est principalement un groupe live, forcément. Ils ne vont pas créer d'albums de titres originaux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ils peuvent faire des reprises de leur propre groupe, mais aussi des groupes comme The Clash, MC5, Therapy, Green Day, Les Négresses Vertes, les Wampas, les Ludwig, les Zwinkels, Metal Urbain, Motorhead, Nirvana, System of a Down, Rammstein, ACDC, Les Berus, The Dead Kennedys, The Who, The Cramps, The Hive, Marilyn Manson, Ministry, le groupe préféré de Jack, Noir Désir, Les Garçons Bouchés, Sex Pistols, Johnny Cash, Tupé Flip, Rancid, System of a Down, encore, du Metallica, du Trust, mais là j'étais parti pisser, du Billy Talent, ils reprennent aussi Cayenne de Parabellum, ça très connu, ils reprennent du ACDC, du David Bowie, du Comeback Kid, des Sheriffs, Refused, et voilà, j'en passe, et des meilleurs du Sepultura. Voilà, grosso merdo, ils ont un panel assez large dans, dans le milieu metal rock, et ils font du Nirvana, du Black Sabbath aussi. Ouais. Voilà, voilà. D'accord. T'as écouté des trucs bien alors ? J'ai écouté des trucs bien, alors je les ai vus aussi. Deux fois en concert, en vrai concert, en salle. Et je les ai vus un petit peu au Hellfest, qui n'était pas, c'était pas évident, donc j'ai pas réussi à me frayer un chemin. Mais je les ai vus de loin au Hellfest. J'ai bien aimé la première prestation très originale, c'est toi Normandie, hein, Saint-Lô. Ouais. J'ai trouvé ça super original, j'étais très content de voir tout le monde et tout, c'était super. Et la deuxième fois, ça m'a pas fait, j'avais pas le même enthousiasme, bizarrement. Enfin, j'avais le même enthousiasme en arrivant, et puis c'est redescendu. En partant, c'est moins. Mince. Ouais. Donc, est-ce que c'est du déjà vu, et puis du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je l'ai vu une fois, bah... C'est un peu le même principe, quoi, du coup. Oui. C'est vrai. Hein. Les reprises sont pas toutes bonnes, au sens bonne. Au sens musical du terme. Au sens musical du terme. Oui. C'est très sympa. L'idée est très sympa, de se retrouver. Après, je pense que c'est principalement un délire entre potes, quoi. Ouais. Mmh. Voilà. Ça fait plaisir aux gens. C'est un rassemblement, hein, où tu peux chanter du Rob Zombie, parce que je me rappelle qu'ils ont repris du Rob Zombie aussi, que je n'ai pas dit. Bah tiens, il y a du Sick Off. Mais voilà, où tu peux chanter, tiens, un Sabotage des Beastie Boys. Classique. Un grand classique. Tu parles voilà, dans la même soirée, tu peux voilà, chanter tout ça. Ouais. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est... Ouais, c'est plus une espèce de soirée... Pas karaoké, mais... ce que j'allais dire. Voilà. Tu vois, un peu dans l'esprit. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire aussi, de base, quoi. Je pense. Faire un truc festif, sympa, sans trop se prendre la tête, à reprendre des morceaux de... Voilà, pour se faire plaisir aussi, eux, avant tout. Ouais, mais toi ? Pourquoi, moi ? Qu'est-ce que t'attends de moi ? Bah, moi, je te dis, la première fois que je les ai vus, j'ai trouvé ça super sympa. La deuxième fois, moins. Et donc la troisième fois, tu nous diras comment. La troisième fois, j'ai été voir pour... Ah, mais la prochaine fois que tu vas aller voir... Oui. Ah oui, c'est vrai qu'ils repassent. Bah oui, c'est pour ça que je suis là. Je vais aller les voir. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas... Quelque chose de plus. Quelque chose à désacraliser, peut-être. Alors, du coup, c'est là, ils sont dans la tournée de leurs 10 ans, je crois. Bah, 2009-2019, oui. Et je crois que c'est la fin, je crois. D'accord. J'irai les voir pour la fin. Je crois. Est-ce que tu... Alors, question. Est-ce que tu iras les voir au Fest? Est-ce que ce concert que tu vas aller voir là peut déterminer Bah, si je vais les voir en salle, non, je vais pas aller les voir au Fest. D'accord. Parce qu'ils passent en main stage, je crois. Ah non. En Warzone, non, sinon. En Warzone, pas. Ouais. Ça peut jouer. Alors là, ça dépend. Tout dépend du timing, en fait. Ah, parce qu'en Warzone, ça change tout. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Ouais. D'accord. Je t'aurais dit en... Tu m'aurais dit en main stage, tu aurais dit non, d'office, mais Warzone, ça... Ouais. Ouais. Bah écoute, je partage un peu ton avis sur la qualité un peu inégale des reprises. Mm. Alors après, c'est vrai que c'est... En fait, c'est le problème quand tu connais tellement bien des morceaux. Alors, c'est sûrement aussi un effet disque qui fait ça. Parce qu'en live, tu es beaucoup moins difficile. Tu es dans le moment, tu es dans l'ambiance, donc tu acceptes plus de choses. Mais c'est vrai que quand sur disque, un minimum posé et que tu écoutes certaines reprises, des fois tu fais « Ouh !» Ça pique un peu, mais bon, après, voilà, comme tu l'as dit, je pense comme toi que c'est un délire d'entre potes et que voilà, c'est un bon moment. Ouais, ouais, c'est plutôt cool. Ouais. Ah, faut aussi, je sais pas s'ils vont faire un truc genre pyrotechnie ou. Bah, normalement, il y a. Voilà. Alors. Parce que je sais que moi, la première année, j'avais vu les lunettes là, avec les disqueuses. Il ouais. Y avait bah, un c'est, peu. C'est partie de Punish Yourself. Ouais. Il y avait. Je pense qu'il y avait pas un peu de pyrotechnie aussi. Peut-être, ouais. Ouais. Et voilà, ouais, ça donnait un truc plutôt sympa, original, et Et ouais, non, ça permettait de passer une bonne soirée. Ouais. D'accord, très Non, bien. non, c'est sympa. Vraiment, j'aime bien l'idée en elle-même. Donc c'est vrai qu'on a oublié de dire pour les autres groupes, mais effectivement, le bal des enragés passe le samedi en Warzone, Daughter passe le vendredi sous Altar, et de mon côté, Dent passe le dimanche sous la vallée. Très bien. Est-ce que je passe à mon Ah prochain oui. groupe? Eh bien, je vais passer à Punish Yourself, Tiens. qui passe le samedi en Temple. Donc, Punish Yourself est un groupe de rock électronique expérimental français, Cocorico. Tout à fait. Mais si on en croit leur page Wikipédia, leur genre musical se trouve un peu entre la danse, la dance, pardon, l'électro, l'électro-industriel, le heavy metal, le metal industriel, le rock alternatif, le rock électronique, le rock industriel, la techno, le cyberpunk et la Batcave, qui était aussi une boîte de nuit londonienne. Bref, tous ces genres où, comme j'aime à le dire, si tu veux gagner plus facilement au loto, tu n'as qu'à tout cocher. Donc, groupe français originaire de Toulouse, comme Psych Up, Nougaro et Big Flo et Oli. Ah, Toulouse, tu sais comme j'aime cette ville. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Punish Yourself. Tu aimes Toulouse? Bah oui, j'étais en vacances l'année dernière. J'aime Ah oui, plus tu m'en avais parlé. Bordeaux, Ouais, c'est ça. mais j'aime bien Toulouse. Ah ouais, c'est pour ça que j'avais un doute. Bah non, Le doute m'habite. Ah oui. Punish Yourself se produit autant dans les scènes métal, électro, gothique que indus. Ils peuvent totalement venir se produire ici. Ah, je Ils ont vois. comme particularité scénique Cool. d'avoir des maquillages fluorescents recouvrant leur corps et en plus de la musique de proposer des performances sur scène en la personne de Claudia qui danse, chante et fait un peu de pyrotechnie quand elle ne passe pas une meuleuse sur sa cuirasse pour faire des étincelles. Tiens, c'est marrant ça me rappelle quelqu'un. Souvent caractérisé comme métal industriel, c'est exactement ce que moi j'aurais dit, malgré les dénégations du groupe qui préfère dire rock and roll électronique, bordel de cul revendiquant des influences aussi variées qu'Iggy Pop, Ministry, White Zombie ou la techno hardcore. Oui, non, complètement, je suis d'accord. Parfois accusé d'un certain simplisme musical, Mmh, c'est ce qu'un peu souvent ce qui va en même temps dans la musique indus. ouais, aussi, ouais. Moi, je me demande. Oh là là! D'accord, j'ai écrit une blague, mais je la comprends pas. D'accord. Vas-y, vas-y, ça. Okay, alors, je reprends donc du coup. Parfois accusé d'un certain simplisme, je me demande dans les faits comment ça s'est fait. Ouh, c'est trop simple. Voilà. Tu vois, ça t'a fait faire comme ça. C'est parce que je me. Le Mmh. groupe a pourtant tenté des choses qui le placent au croisement des différents mouvements extrêmes et rassemble un public hétéroclite, attiré aussi bien par les extravagances du groupe que par sa musique. Pour un total de 8 albums, un live, une compile plein d'anciens membres et que certains des membres actuels participent. Oh là là là. T'as vu, j'étais bourré quand j'ai écrit ce truc, C'est ça aussi. possible. Je recommence et je m'excuse. Pour un total de 8 albums, un live et une compile, plein d'anciens membres. Il est à noter aussi que certains des membres actuels participent au bal des enragés, comme Bob vous l'a dit dans sa chronique. La vache, je t'avais prédit. C'est fou, ça. Ouais, non, non, bah je Oh, suis un génie. oh la Un génie vache. bourré, mais un génie. Ah ouais, Donc dingue. moi, ce que j'en ai pensé, ça sonne beaucoup trop électro-indus pour moi. Surtout dans les premiers albums. Le dernier album sonne un peu moins, ils sont un peu plus lâchés au niveau musique et ça se rapproche plus de moi ce que je pourrais aimer. Pour le côté un peu simpliste, bah, comme je l'ai dit, ça se rapproche vraiment de ce qu'on peut retrouver. En fait, c'est plus un côté répétitif qui est lié au style de musique qui peut être soit un peu électro, soit un peu metal indus. Donc ça se reconnaît là-dedans. J'ai été voir quelques prestations live pour voir ce que ça donne. Effectivement, le maquillage fluorescent amène quelque chose en plus. Mais musicalement, en fait, ça m'accroche pas, moi. Je regardais vraiment un truc en disant, ouais, l'ensemble est bien et tout ça, mais c'est pas pour moi. Et je suis un peu resté en dehors de tout le truc. Je vois bien visuellement, c'est intéressant. Ça propose vraiment quelque chose de particulier et d'atypique et qui est à eux. Ça, je trouve ça très cool. Après, moi, musicalement, ça ne me tient pas assez pour que j'ai envie de rester et de voir. Je suis pas un mec qui est attiré par la musique électro, ni même les influences électro, donc je suis resté en dehors de l'ensemble et bah, je pense pas que j'irai les voir. Je pense pas. Ou alors, je passerai peut-être un morceau ou deux pour voir d'être dedans si c'est mieux. Mais c'est pas mon délire. Voilà. Ouais. C'est pas ma came musicalement, c'est pas mon truc. Je suis pas fan de l'ensemble. J'ai bien aimé le dernier album, mais de là à dire que voilà, pas assez. Et toi, de ce que tu connais de Punish Yourself? Je crois que de mémoire, j'ai dû les voir. Ouais. Je ne sais plus où. J'ai pas tout vu, je suis pas resté. Déjà, de base, je suis pas un fan non plus de ce genre d'électro. J'avais vu KMFDM ou Hellfest, je ne sais plus quelle année. Bah, je suis resté quand même, parce que l'ambiance était là. Et c'est vrai que quand tu te fais porter par l'ambiance, la musique passe tout de suite beaucoup plus. Ah ouais, mais c'est sûr, c'est pour ça. Et n'étant pas fan, c'est vrai que je suis passé devant, hein, KMFDM, ça m'a pas... Mais voilà, et... non, je suis resté devant parce que je suis resté scotché sur le tout, en fait. Ah, mais c'est pour ça, le fait de voir des lives comme j'ai vu, c'est à travers une vidéo, donc je pouvais encore rester dans ma zone à moi. Une fois que t'es sur place, que t'es vraiment dans le truc, peut-être que ça marchera mieux. Voilà, c'est ça aussi, quoi. Dans les tags. Si, ouais. Après, ouais, s'il y a moyen de passer devant Punish Yourself à un moment et que ça te... Ça peut me happer, peut-être. Voilà. Même voilà. Si c'est deux morceaux. Tu vois. Ah non, mais pourquoi pas. Mais après, là, ce que j'ai écouté, ça, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas ma cam. Ouais, non, bah, je comprends. C'est pas évident. Hein. C'est pas facile d'approche, hein, ce genre de musique. Ouais, non, puis voilà, je pense qu'il faut vraiment que ça te parle ou que t'aies vraiment, dans ce cas-là, un spectre d'écoute qui est très, très, très, très large. Mais là, c'est beaucoup trop électro pour moi. Sauf le dernier album. Vraiment, le dernier album est beaucoup moins. Donc, Après, je peux pas te dire parce que je connais pas du tout la discographie. De Punish Yourself, mais après, tu vois, du coup, je trouve que c'est bien qu'il y ait un groupe comme ça là-bas parce que ça rend vraiment l'affiche très large. Du coup, ouais, je trouve ça bien. Je crois que c'est pas la première fois qu'il passe. Ah non, c'est pas la première fois. Non. Après, c'est vrai que je suis plus surpris de savoir qu'il joue sous la Temple parce que c'est bien, vaut mieux. Bah après, c'est plus sombre, donc du coup, peut-être que les costumes. Se prêteront plus. Bah ouais, non, mais je, au début, je me dis, tiens, pourquoi pas Robin Stage. La Temple, elle est bien pour ça. Ah, je sais pas si c'est celle où il y a le décor penché à l'arrière avec les croix qui s'abîment, tout ça. Si, je crois. Si, donc je pense que ça peut être. Ça peut être très bien. Ouais. Visuellement, ça peut être bien. Ouais. Ça peut, tu vois, je suis. Ouais, non, je. Allez, j'irai peut-être voir un ou deux morceaux. Allez. Tu vois. Non, mais pourquoi pas. Ouais. Enfin, voilà tout ce que j'ai un peu à dire sur le groupe. Ouais. Je t'en prise. Ok. Donc, eh bien, nous, on va passer à Bizou, qui est un groupe états-unien de hard rock, heavy metal, glam metal, shock rock, et pas shock me. Oh, Baroness. Donc, en activité depuis 73. Alors, pour les non-bilingues, je parle de Kiss. Oui, sûr. C'est vrai, est-ce que tu dis pas les choses. Voilà. Donc, on connaît tous Paul Stanley et Jen Simmons. C'est vrai. Qui a une langue aussi prononcée que Rocco a son... Penny. C'est ça. Ah ouais. Donc Kiss est un groupe de rock américain originaire de New York. Il est formé en janvier 73, c'est précis, par le guitariste Paul Stanley et le bassiste Jen Simmons. Très populaire à travers le monde, notamment grâce à leur maquillage, leur costume extravagant, leurs nombreux effets spéciaux sur scène et la célèbre très grande langue de James Simmons. Kiss a vendu plus de 60 millions d'albums aux États-Unis. C'est beaucoup. Juste aux États-Unis. C'est beaucoup. Dont plus de 24 millions ont été certifiés par la RIAA, dont je n'ai strictement aucune idée de qu'est-ce que ça peut être. Ouais, mais t'y crois. C'est ça. Et plus de 150 millions à l'échelle mondiale. C'est un peu plus. Truc que... de dingue. C'est un peu plus. Oui, c'est un peu plus. Ouais. Ouais, j'imagine. Je sais pas quand ça a été écrit, mais 150 millions déjà, c'est énorme. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais, non, ouais. Je pense que t'es bien. Ouais, c'est pas mal. Ce qui fait de Kiss un des petits groupes les plus vendeurs de l'histoire de la musique, tout court. Le groupe et ses membres en solo ont récolté 30 disques d'or, 9 disques de platine et 10 disques multiplatine. Ouais, ça, je ne sais pas trop si c'est des cartes bancaires ou quoi. Ça la raconte, les mecs. Ouais, c'est ça. Pour les seuls, États-Unis. Ah, mais c'est impressionnant. C'est énorme. C'est impressionnant, il n'y a rien à dire. Ils sont également connus pour nombreux produits dérivés qui se vendent en quantité industrielle, si bien qu'en 2006, En 2006, je note. La marque Kiss est évaluée à 1 milliard de dollars. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est en fait... Ouais, non, si, c'est bien. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, quand tu vois une tête d'affiche Kiss, tu fais ouais, mais après, c'est vrai que sur les... Voilà, les chiffres sont là. C'est ça. Voilà. D'accord. À toi. Du coup, ils sont en train, ils ont commencé leur tournée d'adieu, la finale. Oui, bon, c'est une tournée qui devrait s'étaler sur 2 ou 3 ans. J'allais dire 10. Donc, non, 2 ou 3 ans. Et ils vont sûrement revenir en France après le Hellfest. Et que, bah, après, c'est en tout cas la tournée d'adieu pour Gene Simon et Paul Stanley. C'est encore lui qui est là ? Ouais. Et bah, pour ces deux-là, ouais. Donc peut-être que ça continuera sans eux, mais normalement ils arrêtent. Donc voilà. D'accord, mais t'en as pensé quoi, toi ? Eh bien, Kiss, j'avais un gros a priori, ne connaissant pas le groupe. Je sais que t'avais. Mis à part I Was Made for Love You, Baby, Rock and Roll All Night. Et Détroit Rock City ? Oui, Détroit Rock City aussi, qui sont les 3 plus gros titres joués certainement de Kiss. Ouais. J'avais un gros a priori sur le groupe. Je sais, alors que moi j'étais là, qu'est-ce que je te dis ? Mais non, vas-y ! Pff, ta gueule, sérieux. Mais quoi ? Oh putain, grand pipoteur. Et voilà. T'avais les mêmes a priori que moi et t'as écouté un peu, mais j'ai écouté en même temps que toi et j'ai eu les mêmes a priori qui sont tombés comme des dominos de cascade. Bah parce que... Mais parce que c'est pas si kitschissime que ça en fait. Pas du tout. Surtout dans les débuts, c'est... Enfin, tu vois, si tu prends les premiers albums, tu retires l'image. Bah l'image que t'en as. Ah ouais. Jamais. Moi, je trouve pas ça glam du tout. Il y a des groupes de glam qui sont beaucoup plus glam. C'est, à mon avis, le glam arrive un peu après. C'est ça. Mais t'as écouté quoi alors ? J'ai dû écouter 7 albums, je crois. Et alors ? Ça passe. Bah ouais. Putain, c'est un truc de dingue. Mais ça passe, quoi. C'est ce que je t'avais dit. Moi, j'en étais sûr. J'en étais sûr parce que tu deviens pas Kiss comme ça non plus, quoi. C'est ça. Tu peux pas juste te maquiller au bout d'un moment, ça se voit. Par contre, c'est pas original dans la musique. Je suis d'accord. Ça reste assez linéaire quand même. Les premiers albums, ça fait très album de vieux rock, très sans forcément impressionnant. Après, il y a quand même toujours la ligne de basse. C'est ce qui m'a le plus impressionné en fait quand j'ai écouté, c'est de me dire putain, on entend la basse, on l'entend bien et c'est pas pour juste. L'époque. Et c'est pas juste une basse linéaire, quoi. Il vient vraiment faire des lignes de basse différentes. Ouais. Et du coup. Ce changement d'attitude, est-ce que ça t'a donné envie de voir le groupe ? Eh ben grave. Bah moi aussi. Bah ouais. Bah en plus surtout que si j'ai pas, je crois que j'aurai jamais l'occasion de les revoir. Bah, je les ai aperçus au Hellfest 2011, je crois. 2011, ouais. Je crois. Je les ai aperçus de loin. Je sortais de la rockart, je crois. Et j'ai pas traîné. J'ai tracé en me disant ouais, c'est Kiss. Donc tu vois, normal. C'est le gros con de base quoi. Mais maintenant, ouais, avec du coup 2011, avec 8 ans de plus, je me dis putain, mais en fait, ouais, pourquoi pas Kiss quoi, dire j'ai vu Kiss en concert quoi. Ouais, puis pourquoi pas. Puis même si ça reste visuellement un peu kitschouille, je pense que ça va envoyer du lourd quand même quoi. Ouais, bah, je sais pas, parce que je sais que la dernière fois. Je les ai pas vus la dernière fois qu'ils sont passés au FF, c'était 2011 je crois. Et déjà ils avaient cette plateforme qui passait monte. Au-dessus de la foule et tout avec le guitariste je crois, ou je ne sais plus si c'est le guitariste ou le bassiste. Voilà. Après pyrotechnie, machin, truc, c'est bien foutu. Là la tournée, alors je sais pas s'ils auront le même set, mais parce que dans le rockart de ce mois-ci il y a une interview. De ce que j'ai lu, là ils ont fait encore plus gros. D'accord, c'était pas eux qui étaient venus avec je ne sais plus combien de SMI la dernière fois. Un peu peut-être. On avait dû en parler. Peut-être. Ils étaient venus avec une dizaine de SMI, matos de dingue. C'est possible. Ouais. Enfin voilà quoi. Mais donc, ouais, Kiss, ouais, bah carrément quoi. Voilà. Donc agréablement surpris. Carrément. Ouais, non, franchement, j'avais vraiment cet a priori du gros groupe kitsch parce qu'ils avaient ces looks improbables avec leur maquillage un peu. Bah, voilà, pour moi, j'ai dit, merde, c'est quoi ces trucs, leur espèce de chaussure avec 30 cm de semelle, machin, avec leur costume à paillettes et tout. C'est pas pour moi, ce que je me suis dit au début, quoi. C'est parce que j'avais pas écouté, donc j'avais ce côté vraiment image qui m'arrêtait je totalement. Je pense qu'on appelle ça the priori. Le priori ? A priori. Ah oui, a priori. Ouais, mais en même temps, ce qui dégage, c'est pas du tout ce qui représente musicalement. Ouais, mais non, mais c'est oui, mais c'est parce que c'est sur le même principe. Ça dégage physiquement. Et en plus, c'est vrai que I Was Made for Loving You est une chanson qui est un peu dans l'esprit kitschouille quand même. Donc, ah bah complètement. Donc du coup, c'est vrai que comme c'est la plus connue. Bah non. Alors que Rock and Roll All Night, ça va un peu plus. Ouais, quoi. Gras, ouais. Ah, ça reste vraiment plus dans. Mais ouais, non, ouais, non j'ai été. Même maintenant, tu vois que j'en parle, je suis. Ouais, t'es j'ai merde, Kiss, quoi. Bah, j'ai écouté, je te dis, les albums. J'ai écouté, attends, donc pour pas te dire, le premier, le deuxième, le troisième. J'ai écouté Circus, là. J'ai pas écouté Circus. Que plus récent. J'ai écouté le dernier que j'ai trouvé un peu plus évolué musicalement que les premiers que j'ai écoutés. Donc, pour moi, meilleur. J'en reviens pas de dire ça. qu'est-ce que j'ai. Ouais, genre, j'ai écouté pas mal d'albums. J'ai dû écouter, ouais, cet album. Je me suis passé mon dimanche. Est-ce que Parcimonie a écouté avec toi ? Non. Ah, donc elle a son avis, elle n'a pas changé alors ? Je pense, ouais. Ouais. Et puis je pense qu'il changera pas parce que c'est pas du tout. Elle est très pagane, très viking et voilà. Donc elle est plus dans cet esprit-là. Bah, du coup, elle doit pas être trop gâtée cette année. Ah, bah, pas vraiment, non. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, merci pour ce coup de cœur un peu. Ouais. Eh, quelque part, moins, c'est une belle découverte. Ouais. Très bien, très bien. Et donc on rappelle, hein, ils jouent en main stage le samedi. Je crois qu'ils jouent en Valais. En tête d'affiche. Ah, je suis déçu. On peut même dire. Est-ce que tu pourrais acheter un de leur album ? Non, je pense pas. Non, quand même pas. Non, mais Spotify fait très bien l'affaire. C'est vrai. Très bien. Je vais donc passer à mon groupe suivant, Demon and Wizard. Pour la petite info, rien sur Spotify. Donc j'ai dû écouter sur YouTube. Donc c'est beaucoup moins pratique pour moi. Ouais. Voilà, donc c'est long ou c'est pas long ? Quoi ? Ta chronique ? Non, pas très long. D'accord. Parce que ? Non, comme ça. D'accord, le mec a envie d'aller pisser. Ouais. Très bien. Non, c'est pas très long. Demon in Wizard est un groupe de power metal allemand actuellement basé à Tampa en Floride. Ah ouais. D'accord. L'idée du groupe émerge au printemps 1997 et il est considéré comme un groupe parallèle à Blinded Guardian et Iced Heart, car il est composé du chanteur de Blind Guardian, Hansi Kirch, et du guitariste d'Iced Heart, John Schaefer. Donc bien sûr, John le gratteux qui écrit la musique et Hansi qui s'occupe des paroles. Un premier album en 2000, intitulé Demon and Wizard, avec la participation de Mark Prater qui était batteur sur plusieurs albums d'Iced Heart, et Jim Morris qui s'occupe de la plupart des solos. Puis un second album en 2005, Touched by the Crimson King, qui est inspiré par la série La Tour Sombre, écrit par notre maître à tous, Dieu. Non, je déconne. Je parle bien sûr de Stephen King. A noter que le nom Demon and Wizard est censé représenter leurs deux styles respectifs, à savoir le côté démon autoprogrammé de Iced Heart et le thème magique de Blind Guardians. Selon une news du 2 janvier 2019 trouvée sur le site musicuniverse.mu, un troisième album est prévu pour janvier 2020. Ils ont d'abord été surpris par la popularité du groupe qui n'a pas sorti d'album depuis 14 ans, qui n'a pas de page Facebook, qui n'ont pas rejoué live depuis l'an 2000. Ils ont donc commencé à bosser sur du nouveau matériel, mais il doit aussi apprendre, John Schaefer doit aussi apprendre les anciens morceaux, négocier le contrat du prochain album, et il y aura également une réédition des deux premiers albums vers avril-mai. Et ils préparent aussi, bien sûr, la production du spectacle pour le Wacken, qui sera leur seul show en Allemagne. Donc il y a des chances que le seul show en France soit celui du Hellfest, mais c'est pas sûr. En tout cas, voilà, c'est un groupe qui n'a donc pas sorti quelque chose depuis 14 ans et pas rejoint ensemble depuis 19. Donc c'est plus un groupe de CD qu'un groupe de live. Et ce que je dois en dire, c'est que de ce que j'ai écouté donc, sur YouTube, donc c'était forcément les albums en intégralité, c'est plutôt pas dégueu, c'est du power metal allemand avec une voix un peu à le chanteur de Blind Guardian, quoi. Donc c'est un peu, comment dire, et plus ou moins épique. Ça fait très vraiment ouais, Donjons et Dragons, un peu la voix. Je suis pas fan. Je suis pas fan, mais en fait, l'ensemble passe bien quand tu l'écoutes comme ça. En fait, j'étais en train de faire d'autres choses, donc ça allait. J'achèterai pas de CD. Il y a peu de chances que je réécoute, mais vraiment, comme ça, ça passait bien. Donc, ouais. J'irai sûrement pas les voir. Ou alors, si. La seule raison pour laquelle je pourrais les voir, c'est pour me dire, ok, ça se reproduira peut-être pas, ou qu'ils ressortent peut-être un album cette année, mais où, tu sais, pour le côté, il n'y a rien à ce moment-là, ah bah, profitons de ce moment-là, tu sais, un peu comme avec Hellhammer ou avec Possessed, de se dire, ah bah, c'est le moment, tu vois. Parce qu'il y a une réelle histoire, quoi, qui fait que ça donne envie d'aller le voir, comme. À la mort. Non, alors c'est pas à ce niveau-là, c'est plus de se dire que moi, Demon and Wizard, c'est un groupe qui existe dans mon subconscient, parce que je me souviens très bien quand leur album est sorti. Sauf qu'entre, c'est vrai qu'entre le moment où l'album est sorti, donc il y a plus de. Il est sorti en 14 ans. Non, mais le dernier est de 14 ans, mais le premier est en 97. Donc ça remonte encore plus. D'accord. Entre le moment où est sorti ce premier album et aujourd'hui, je pensais que le groupe continuait, qu'il n'y a rien eu. Tu vois, c'est plus de dire, ah ouais, en fait, c'est un projet entre deux, quoi. Ah ouais. Donc c'est plus pour ce côté-là, peut-être jeter une oreille vite fait. Mais parce que pas désagréable. Pas « Oh, c'est trop bien !» Mais ça m'a pas déplu. Tu vois, je me suis pas dit « Oh, j'aimerais pouvoir passer à la chanson suivante. » Ça passait en fond. C'est très épique, ça fait très heroic fantasy. C'est bien passé. C'est du power metal, quoi. C'est pas ce que j'écoute, c'est pas ce que je raffole, mais ça me dérange pas. Ouais. Contrairement à des fois à certains trucs qui me dérangent. Ouais, mais toi, t'as quand même une certaine culture geek, donc du coup. Peut-être. Ouais. Je suis pas un fan de tout ce qui est Donjons et Dragons, mais ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Bah, moi, ça m'emmerde, profondément. C'est pas grave, c'est moi qui l'ai lu. Ouais, non, mais. Donc voilà, donc j'irai peut-être jeter une oreille, j'aurais pas besoin d'en réécouter. Bon, peut-être le nouvel album pour voir la différence, mais c'est tout. Donc, ça, voilà. C'est un choix personnel. Voilà. Et le groupe passe samedi sous le Altar. Ton... Oui, c'est pas... Pourquoi pas. Oui, ok, d'accord. Ton dernier groupe. Oui, mon dernier groupe, qui se nomme Wiggedood. Non, Kiss, tu l'as déjà fait. Qui se nomme... Ouh. Pardon. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect. Non, non, mais... bien tenté. Qui ne tente rien. Exactement, trouve. Et je trouve que là, tu t'es... Non, t'as tenté un truc et chez Road to Hellfest, on aime les gens qui tentent. Ah, ça on l'a toujours dit. Hein. Ah bah écoute. C'est à nous, les mecs qui tentent, mais ils se plantent, c'est pas grave, ils ont ouais, tenté. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est pour ça, je dis pas. Non, mais c'est ça, je ne te juge pas, je ne dis pas. Voilà, c'est. Non, non, au contraire. Merci. Je trouve ça bien de. C'est non, mais c'est bien. Sympa. Bravo à toi. Wiggedood. Wiggedood. Qui est un groupe de black metal belge formé en 2014 et actuellement composé de. Wim Repok à la batterie, Outbreaker, White Jazz, ex Rise and Fall, ex Rothschilds. Ça ouais. En fait des choses. Ça en fait des ex. Ouais. Gilles Demolder, guitare, Outbreaker aussi. D'accord. Et Levi Seniv, guitare, chant, ancien Amenra. Black Heaven et Sian. D'accord. Amenra, ça parle déjà un peu ouais, plus. Bah, plus, ouais. Wiggedood sort son premier album, Des Doden Eben et Goed. Je pense que l'accent n'est pas trop dégueu. Hein. Je pense que tu ne pourras pas faire mieux. Hein. Ah bah, je pense que là, j'étais au maximum. Ah oui, c'est sûr. Hein, c'est sûr. En mai 2015, chez Consuling Sund. Oh, pareil, c'est pas mal non plus. Ça. Ouais, non, mais on voit bien tout de suite. On aurait pu dire Sound éventuellement. Ouais, ouais. Mais Sound, ça me plaisait bien aussi. T'es au max, t'es petit. Suivi de Des Doden Eben et Good To. Non, je peux plus faire semblant. Je ne sais pas. Bah, excuse-moi. Hein. Je pense que non. Des Doden Eben et Good To. D'accord. Je ne sais pas. En février 2017. Autant dire, c'était hier. En 2017. C'était en 2017. Et de Des Doden Eben et Goed 3. Voilà. 3. 3. je ne sais pas. En avril 2018, chez Century Media. Fait longtemps que j'avais pas envie de me trancher les veines. Je te dirais la même chose. Voilà, voilà. Donc, pour résumer, discographie de Wiggenhood. En 2015, Dedodon et Ben... Non, tu veux pas que je résume ? Non, bah, j'avais... Hey, je m'en souviens très bien. Alors, dis-moi tout. Non, parce que j'aime pas, ça fait... Non, ouais, ça fait le mec qui se... Ouais, non, non. Genre... je sais bien. Le collectif Church of Ra est connu pour abriter quelques perles musicales, dont les Belges de Wiggenhood, formés en 2014. Voilà. La cause, les deux premiers jouent également ensemble dans Heartbreaker. Ah oh bah tiens. Ça, je l'ai déjà dit, ça. Ouais, ça. C'est marrant. Et ne tarderont pas à rallier Wim à leur cause dans un groupe de post-black. C'est du post-black. D'accord. Toi qui t'y connais en black, tu dois savoir me dire qu'est-ce que le post-black. C'est après. Parce que moi, je ne sais pas. Enfin, non, c'est avant. Post. Mais parlons surtout de Wiggenhood pour le moment. Et de leur impressionnante vitesse de composition. Donc c'est pas du post-black, en fait, c'est un autre groupe, le groupe de post-black. Non, c'est ça. Bah non. Il était en train de lire un truc qui dit « Mais ne parlons pas de ça, parlons plutôt de Wiggenhood. » Non, on va parler de Wiggenhood. Bah donc, et de Doden et Ben et Got. Fais ta chronique. Non, mais, au pire, on aura un des membres qui va nous envoyer un message la semaine prochaine en nous disant « Ok. » C'était Bob, n'importe c'est un gros quoi. Con, il fait n'importe quoi. Donc voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mec ? Donc Wiggenhood est un groupe belge de black metal. Ça, bah ça j'avais. Voilà. Ça c'est bon. Et donc ? Alors, il passe où ? Tiens, tu vas nous dire. Alors, il passe le dimanche sous la Temple. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Non ! Qu'est-ce que toi t'en as pensé ? À vrai dire, pas grand-chose. Alors, bon, je connais Bob, vous n'êtes pas avec lui, moi je le connais, c'est pour ça. Pas grand-chose, parce que pas assez écouté ou... Ah, tu vois, tu ne me connais pas assez, apparemment. Ou pas grand-chose, parce que tu t'es arrêté à black metal. Et pas grand-chose, ouais, parce que je me suis arrêté à black metal. Oh, putain. Mais non, je déconne, j'ai été écouté quand même. Forcément, je suis pas un gros con à ce point-là. Ah, tu fais bien de préciser à ce point-là. Je suis un gros con, mais pas à ce point-là. Et donc Non, c'est pas pour moi, j'arrive pas. Franchement, c'est trop... Trop black metal. Trop post-black metal. Non, trop black metal. Ouais, c'est... Je sais pas. Ouais. Très... C'est trop profond, trop... Mais voilà, c'est pas assez... Tu sais, moi, j'aime le printemps, par exemple. Eux, ils doivent pas trop aimer le printemps, je crois. Ils sont plus au niveau de l'hiver. Ouais, ils sont plus... Fin automne, début d'hiver. Fin, tu vois, vraiment, c'est ce moment où t'as envie de mourir. Tu vois. Et moi, non, je suis plutôt le mec qui a pas envie de mourir, comme ça. Pas là. Pas tout de suite, en tout D'accord. cas. Donc, du coup, je pense que non. Wiggenhood, c'est pas pour moi. Très bien. D'accord. Voilà. Donc, t'iras pas les voir Je sais pas. S'il fait beau, peut-être. T'as écouté beaucoup ou pas beaucoup ? Non, bah, ils ont pas grand-chose, donc déjà, ouais, de base... Tu sais, des fois, ça, tu t'arrêtes pas à ça. C'est donc. Bien caché. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que des fois... Ah, oui, d'accord. Ils peuvent avoir beaucoup de choses et... Oh putain, j'ai écouté Kiss. Mais j'ai non, mais c'est parce album de Kiss, quand il même. Il pourrait y avoir 3-4 albums, t'aurais pu écouter 2 chansons et dire, bah, c'est pas non, pour moi. Non, Wiggenhood, ils ont pas grand-chose. Mais t'as écouté quoi ? Mais j'ai écouté Wiggenhood, c'est un groupe de black metal, belge. Mais oui, je vais te montrer, regarde, dans mon... Hop, regarde, il est dans mon historique. Et je vais te montrer, regarde, ce qu'ils ont, voilà. Alors, le premier, Dead Odin Eben et... Bah, hein, du coup, il y a 4 titres. Dead Odin Eben et, il y a 4 titres. Et Dead Odin Eben et, il y a 4 titres. Tu vois ? Grosso merdo, t'as pas dit 3 fois 4. La même chose là ? Bah si, mais c'est le 1, 2, 3. Ah bah t'as pas précisé. Ah bah excuse-moi, il y a des pointillés. Moi après, quand il y a des pointillés, je sais plus lire. Moi. Et donc du coup, les titres sont peut-être un peu longs par contre ? Ah bah certainement, oui. Je sais plus de mémoire si. Attends. Voilà, tu vois, sa gueule en plus. C'est les mecs, ils arrivent, ils sont là. Ouais, nous on en a marre. 7 minutes 14. Ah bah tu vois. 8 minutes 9. Ah. 12 minutes 14. 6 minutes 17, et voilà. Et ça fait au moins 3 albums de Sick of It All. Hein. Alors ouais, mais bizarrement, moi, ça me parle plus. D'accord. Parce que c'est plus expéditif, tu vois. C'est les mecs qui sont pas là pour pour te compter fleurettes. Parce qu'eux, ils sont là pour te compter fleurettes. La gueule. Bah oui, ça se passe dans un champ. Non, d'accord. Ils font des trucs en plus à moitié bizarre, parce que ils font des trucs avec des bâtons. À la Blair Witch. Ouais, à la Blair Witch, mais en plus, c'est vrai, gars. Regarde. Je suis désolé, papa, maman. Très bien. Bon, bah, du coup, tu pas grand-chose de plus à dire. Ils ont un titre en 2018 qui s'appelle Paroule. Peut-être un nouvel album. Ah bah ça, peut-être que c'est les prémices d'un prochain album, ouais. Ah. Eh bah tu vois. 2018, 4 titres. Voilà. Alors, je dis des conneries. C'est... Pour tout dire, c'est le 3. C'est Dedodon Ebed Ed Code 3. Voilà. Qui est sorti en 2018 avec 4 titres. Voilà. Avec Prowl en premier, Dude Scalm et Doden Eben et Got et Paroul, justement. Le... Bah, et tu vois, c'est marrant parce que l'autre jour, je me dis, on stagne un peu dans le podcast. En fait, non, tu repousses les limites de la, la connerie. Tu pousses les mains, mais tu dis, écoutez, je vais tenter un truc, je sais pas, laissez-moi essayer. Donc. Très bien. Oui, mais pour ça, il faut arriver à la fin du podcast. Ouais, c'est ça. C'est la petite surprise de la fin, en fait. Ah bah. Tu vois, c'est toujours ce petit truc. C'est agréable. Bah voilà. Bah je vais passer à mon dernier groupe, du coup. Ah merde, t'avais encore un groupe? Ouais. Ça fait combien de temps, là? Oh là là, 1h50 et quelques. T'es sérieux? Ouais, 1h45. Oh, bah c'est bon, c'est bon. Bon, alors. Tu veux que je te parle encore un peu de... Non, merci, okay. Ça va aller. Moi, je vais vous parler de Candlemass. Bah vas-y. Candlemass est un groupe de doom metal suédois de Stockholm qui tire plus vers Black Sabbath que Eye at God ou Crowbar, pour orienter un peu. C'est pour orienter parce que c'est pas du tout. Ouais, donc on est un peu vers le stoner quand même. Bah on est moins vers du sludge en tout cas. Bah le sludge et le doom, moi personnellement je préfère le sludge que le doom. Ah. Comme Down fait du sludge. Bah moi je préfère du doom à la Black Sabbath que du doom... Black Sabbath, justement, a été considéré comme l'un des premiers groupes stoner, justement. Va pas perturber tout le monde, d'accord? Je suis à ma première... Wiggle Dude est un groupe de black metal. C'est pour orienter un peu, parce que vraiment, ça me faisait... En fait, le problème, c'est que moi, quand j'écoutais Candlemass, je le dis maintenant, ça me faisait vraiment plus penser à un truc vers Black Sabbath que du Doom. Pas trop Doom, justement. D'accord. Mais c'est du coup, comme tout le monde s'évertue de le dire, que Black Sabbath est du Doom et que Candlemass est du Doom... Bah, le problème était moi, pas les autres. Donc, voilà. Ah d'accord, bah, moi je vois pas du tout Black Sabbath comme un groupe de Doom ou comme faisant du Doom. Alors attends. Non, je suis le premier surpris. On va en discuter après. Vas-y, fais donc. En 82, Left Eating, bassiste, leader et compositeur, forme Nemesis, un groupe qui sortira un EP et deux démos avant d'être dissous en 84. Où Left forme Candlemass, qui signifie la chandeleur. Ouais, ils font des crêpes et tout. Et reprend des titres de son ancien groupe. D'accord. Il est comme ça. Depuis sa formation, le groupe connaît plusieurs périodes d'inactivité et voit sa formation changer à plusieurs reprises. En 86, d'ailleurs, je ne vais pas m'arrêter sur tous les changements, quelques-uns, mais pas tous. En 86, le groupe publie Epicus Domicus Metallicus, considéré aujourd'hui comme un classique, et à l'époque, le groupe est produit par un label français, Black Dragon. Ah, y a rien qui va, je trouve. La belle française, Black Dragon. Epicus Domicus. Enfin, Epicus Domicus Metallicus. Ça sonne plus italien. Epicus Domicus Metallicus. C'est italo, japonio. A noter que sur cet album, c'est John Langvist au chant qui assure plus une prestation d'enregistrement car il n'a jamais tourné avec le groupe à cette époque. Il est venu chanter, mais il n'était pas... D'accord, ouais, comme ça peut arriver. Sur le second album, Nightfall, qui est également un succès, c'est Alfredo Marcolin di Messia qui prend la place de chanteur et qui change radicalement avec le style de Johan, avec une voix peu commune dans le monde du métal et s'habille en moine sur scène. Et il avait une grosse touffe, un peu comme le chanteur du Melvins. Tu me fais peur. Non mais je le dis. 86, 88, Ancien Dream, troisième album. 89, Tale of Creation, quatrième album. 90, un album live pour se poser un peu. 91 voit le départ de Messia pour créer le groupe Memento Mori. Candlemass recrute Thomas Wikström pour l'enregistrement de Chapter 6, le cinquième album. paradoxe. En 92, et ne rencontre pas un franc succès. 93, sorti d'un petit EP, mais ça ne suffira pas, le groupe se sépare. Bam. Candlemass se retrouve en 97 dans une nouvelle formation avec Björn Flugvist au chant et un certain Mike Amott à la guitare. Carcasse, Arch Enemy. Bah oui, complètement. Non, non, mais je te suis. Puis d'autres membres aussi. Bon, je me concentre. En 98, ouais. Sixième album Dactylist Glomerata. Puis en 99, départ de Amott et sortie de From the Thirsting Sun. Septième album. Puis re-inactivité jusqu'à plus ou moins 2004. Alors qu'en 2001, moi, j'étais encore jeune. Candlemass lui retrouve la formation de leur deuxième album Nightfall. Donc retour de du Messie. Messia. 2003, live, DVD, docu, tutti quanti. Et en 2005, Candlemass sort Candlemass, ou ce que nous autres aimons appeler un album éponyme. Mmh. 2006, Messia se recasse et il est remplacé par Robert Lowe. 2007, 9e album. 2009, 10e album. 2012, Robert Lowe est remplacé par Matt Leven, au chant toujours. Hein. Oui. Et publie leur 11e album. 2018, grosse année, hein, car le groupe enregistre un nouvel album. Et puis, une fois les prises de chant enregistrées, se disent « Tiens, et si on virait Matt pour reprendre notre tout premier chanteur, Johan Lundqvist ?» Celui qui était venu que pour enregistrer l'album. Vache. Donc en 2019, Candlemass sort The Door to Doom avec le chanteur de leur plus gros classique Epicus Doomicus Metallicus. Et enfin, Johan peut partir en tournée avec le groupe. C'est fou, mais c'est un joyeux merdier aussi. C'est un très gros joyeux merdier. Et le truc, c'est que en plus, il y avait souvent des concerts où Candlemass faisait revenir leur ancien chanteur pour différents morceaux. Donc ils sont tous plus ou moins croisés. Sauf un, il n'a pas dû rencontrer Messia, je crois. D'accord. Mais bon, pauvre chanteur, quoi, qui avait enregistré ses prises. Et puis on dit, bon, bah, allez, au revoir. Donc, et on en revient à la question du début. C'est qui décide dans le groupe ? Voilà. Bon, bah là, apparemment, c'est clair et net que depuis le début, c'est le groupe de Left Heading, donc le bassiste, donc c'est son groupe. Qui d'ailleurs avait, pour info, une petite maladie, alors j'ai pu retrouver le nom, mais il pouvait plus jouer en live dernièrement parce qu'il physiquement il tenait pas le coup, donc il était compositeur, leader, mais il jouait pas de la basse en live. Là, pour la tournée qui vient de commencer, il peut le faire, donc il se repose beaucoup dans la journée, le soir il assure son concert. Et Candlemass, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ah d'accord. Ah ouais, j'ai vraiment trouvé ça top. J'ai écouté, alors je suis vraiment particulièrement fan du dernier album. Ouais. Donc avec le chanteur, parce qu'en fait j'ai remarqué, ça le fait beaucoup avec Candlemass, mais c'est vraiment selon le chanteur que j'aime ou que j'aime pas les albums. Par exemple, je suis pas trop fan de Messia, qui a une voix un peu trop emportée et un peu, voilà, ça me plaît pas trop. Il y en a deux trois, j'ai pas retenu les noms, mais le dernier album je l'ai beaucoup écouté là sur ces 15 derniers jours. Le fameux classique Doomicus, il passe bien aussi, mais bon, c'est pas tout à fait la même voix, étonnamment. Et j'avais lu des interviews qui le disaient. C'est vrai qu'il chante presque mieux aujourd'hui qu'à l'époque, le chanteur. Et donc, c'est un groupe... alors, Candlemass qui va jouer samedi sous la Altar. Et je pourrais complètement être devant parce que j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai entendu. Ça, c'était très, très efficace dans le style. Je ne trouvais pas ça forcément doom. Peut-être par certains trucs. Mais... Enfin voilà, ça me faisait pas penser à du doom. Donc, Ils sont à Altar. Ouais. Bah, comme quoi, c'en est. Tu vois. Non, mais après, tout ce qui est doom, sludge, c'est plus souvent la vallée. Ah, mais, alors Black Sabbath, ils disent heavy metal. Là. Ah bah oui, bah, ça a toujours été considéré comme un groupe de heavy metal. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais, moi, j'ai entendu dire. Qu'il faisait partie quand même des premiers groupes de stoner, enfin, comme quoi c'est vrai que t'écoutes Black Sabbath, tu retrouves des sonorités un peu. Donc là, tu vois, si tu vas sur Doom Metal, ils te disent que c'est un genre musical fortement influencé par les premières chansons de Black Sabbath. Tu vois, c'est le truc inverse. Mais si tu vas sur stoner, ça, je crois que ça va être la même chose aussi. Ouais. On parlait de Black Sabbath. Quoi, ils sont partout. Hein. Ils sont partout. À mon avis. C'est... Non, mais d'accord. Mais en tout cas, voilà, moi, Candlemass, je te le conseille. D'accord. parce que c'est bien. Ok. Ça fait du plaisir. Non, là, ils disent Kaios. Hein. Et Sleep. Asleep aussi. Ouais. Ah ouais, tiens. Enfin, ils disent... clairement, bon, ils disent ce qu'ils veulent. Émerge et devient très populaire au cours des années 90 avec les groupes Kaios et Sleep. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Non, donc, Candlemass, ils ont plutôt pas mal d'albums. Donc, j'en ai écouté... j'avais un peu pioché de ci de là, ouais. Je me suis vraiment arrêté sur le dernier album qui m'a le plus plu et tout ça, et autant pour la voix du chanteur que les compos, et que peut-être que sur les autres albums, ce que j'ai moins aimé, c'est les différentes voix du chanteur, qui étonnamment, je trouve ça toujours très bizarre quand un groupe a pas forcément d'identité de voix, parce que comme du coup ils ont changé beaucoup de chanteurs, ils sont pas empreints d'une identité, ouais. En fait ils ont plus des phases, tu vois. Ah bah c'est la phase machin, c'est la phase machin, c'est la phase machin. Mais on dit pas, ah bah Candlemass, tu vois, c'est... Ouais, ouais, c'est vrai que ce côté-là, je suis pas assez fan, moi. J'aime bien, par exemple, bah oui, Kaios, tu vois, quand tu parlais de Kaios, la voix, c'est justement, c'est John Garcia. Ouais, je suis d'accord, non, mais c'est pour ça que je préfère ça aussi, que le groupe a une identité, parce que on a beau essayer d'écouter autre chose que la voix, d'écouter la musique et tout ça, il y a un lien qui est forcément lié aux deux. Ça me rappelle ce que je disais avec The Raven Edge, je préférais le premier chanteur et j'avais l'impression que les compos marchaient mieux. Je pense pas que les compos soient ma bonne maintenant qu'ils ont changé de chanteur, tu vois. Donc c'est des fois le lien ou le lien marche. Avec Candlemass, j'ai bien aimé Candlemass de ce que j'ai écouté, mais j'ai vraiment préféré ce que j'ai entendu avec tel chanteur. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis attends la voix, j'attends, oui, la voix. Oui, mais dès que t'entends, j'écoute un groupe, c'est oui, mais tu peux aussi aimer un groupe où t'es pas méga fan de la voix du chanteur. Parce que l'ensemble fonctionne bien. Tu vois. Ouais, mais comme là, tu disais que tu préférais une certaine période ou un certain, ouais, album parce que le chanteur te correspond plus. Mmh. Tu vois. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec ça. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je suis toujours assez surpris d'un groupe qui n'a pas une identité propre, en fait. Ouais. Tu vois, par exemple, Iron Maiden... C'est Bruce Dickinson. Bah, oui. Même si pourtant il y a eu un premier chanteur avant et il y a eu un chanteur au milieu, ça reste Bruce Dickinson. Personne ne peut le remplacer. Oui. C'est l'identité du groupe. Et là, Candlemass, en fait, peut-être qu'avec certains. Pour certains grands fans, ils ont un chanteur qui dit c'est celui-là, c'est lui l'identité. Mais bon, voilà. Moi, j'ai préféré le dernier album, j'ai bien aimé. Et je serais assez curieux de les voir sur scène parce qu'ils sont plutôt jeunes quand même et que ça me. Je voudrais voir comment ça bouge sur scène. Voilà. En tout cas, voilà pour ma dernière chronique. J'ai eu la même avec Sinvitus. Ah ouais ? Oui, j'étais assez curieux de savoir, parce que les mecs sont pas tout jeunes non plus. Ouais. Mais bon, ça suivait pas derrière, donc j'ai pas pu profiter du truc. D'accord. Très bien. J'espère qu'ils repasseront, pour que je puisse les voir. Espérons. Est-ce qu'on tirerait pas les coups ? Eh bien, je suis d'accord. Parce que ça fait quand même 1h57, il est minuit 26... Faut y aller là. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, je te laisse commencer. Ah, il est pas content. Lamb of God. Eh ben, j'espère que t'auras des trucs intéressants à nous dire au moins. J'espère. Hein. Au moins, tu pars avec toutes les meilleures bases. Tu connais le groupe, t'as quasiment tous les albums. Ouais, ça va. Ouais. Je pense que là, on est en terrain un peu conquis. Ouais. Et pour ma part, j'ai Sipcore. D'accord. Sipcore. Au passage, tu n'oublieras pas de nous donner le groupe du Knotfest. Oui, au passage, ouais. Frétote, je ne sais pas. Frétote. Merci de confirmer. Voilà, je suis d'accord avec cette... Tout à fait. D'accord, Frétote. Non, mais c'est bien. Ça. Non, mais c'est intéressant. Sur les découvertes, c'est cool. The Dwarf. Ah, cool. Un peu de punk. Ah, tu connais ? Ouais, je connais. Je les ai vus, je connais. C'est très trash. Ils aiment bien la bagarre sur scène. Ah, c'est ce que tu dis. Mais un peu de bagarre. Punk. C'est très trash. Du coup, c'est pas du punk. Ils utilisent beaucoup des nains, des femmes nues. Oui, je me doute, The Dwarf, ça, un petit peu. Ouais. Dark Tranquility. Ah, voilà, un classique qu'on connaît, que tu connais pas. Voilà, ça c'est bon. Okay. Voilà. Les préjugés. Sont... Ah, tu connais ? Pour la vidéo. Non. Voilà, tu vois, donc j'ai raison. Je connais. Pardon ? Je suis même sûr que j'en ai déjà écouté du Dark Tranquility. Pardon. Excusez-moi, hein. Faut vraiment que je fasse quelque chose, hein, pour tout ça. Immolation. Mmh. Bah, dis donc. C'est la gaieté, tout ça. C'est le pas printemps. Très printemps. Et le mon dernier. Dernier groupe de Bob. Oh non. Ah putain, j'appréhendais de tomber sur celui-là. Ah bon ? Black Rain. Alors, laisse-moi te dire. Non, putain. Laisse-moi te dire. Je les ai vus en live. Mais là, ça va pas être du live. Non, c'est vrai ce que tu dis. C'est pire. Oh là là. Oh non. White Snake. Je connais pas. Bah, c'est pas mon... pas pour moi. D'accord. Eh ben, j'ai hâte d'écouter tout ça. Eh ben, voilà. Donc, pour le Knotfest... qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah là là là, t'es efficacement... On s'en fout, de toute façon. Alors, Knot... Il est minuit et quelques, les gens n'écoutent plus. C'est pas la question, là. C'est pour moi, là. Alors, je te redis tous les groupes ou je te dis seulement ce qui reste ? Bah, ce qui reste. Alors, il doit rester... Powerwolf, oh. Sabaton, Rob Zombie, Slipknot. Attends, alors, parce qu'il y avait Amaranth, Ministry, Behemoth, Papa Roach, Amon Amarth. Oh, on en a fait 6. Ouais, on en a fait 6. Ouais. Bah, donc, ouais, il reste Powerwolf, Sabaton, Rob Zombie ou Slipknot. Oh, putain. Choisis. Non, tu choisis. Non, c'est je toi. Peux pas, je c'est, peux pas, c'est... je peux pas être responsable de ça. Je peux pas, je peux pas, non. Eh bien, Powerwolf. Ah, oh, putain, je m'en doutais. Salaud. Tu gardes le meilleur pour la fin, ça. Ah, Sabaton, ouais, bien sûr. Non, je ce sera le suivant. Ah, il est le meilleur, on garde Slipknot pour la fin, alors. Bah, c'est un peu le concept. Bah, pense. Un peu, ouais. Très bien. Bon, bah voilà, 2h01 d'émission. On sait pas encore si c'est la semaine prochaine que ça revient, parce que... Toujours pareil, les si, horaires. Même si à un moment donné, on va plus trop avoir de... De choses à dire. Non. Non de bière. Non. De calendrier. Non, non plus, non. De stylo. D'échappatoire. D'échappatoire. Ouais, on va commencer à être juste. Concernant Les esquives de semaine. Ah, oui. Oui, par rapport au fait qu'on peut dire non, je me barre. Ouais. Ah, tiens. Ah, bonsoir. Oh, entrez. Ouais. Ouh, salut les filles. Non, je déconne. Non, non, bah c'est une fille. Mais... Oui. C'est bon, c'est l'officiel. Ok, cool. Très bien, et eh ben écoutez, une bonne semaine ou une bonne quinzaine à vous. Tout à fait. On va essayer de trouver des solutions si jamais on peut pas, parce que on peut pas continuer comme ça. On peut pas. Mais c'est de ta faute en même temps. Non, pas là, non. Si. Tu es l'unique responsable. Non, pas là, je crois. D'accord. Non. Ok. D'accord. Oh, et il faut bien s'échapper un jour. Ok. Genre un mardi. Bon, en attendant, passez à tous une très bonne semaine. On espère que vous avez kiffé cette énergie passez débordante. À tous. Quoi ? Non, il y en a un qui passe, mais là, ça passe pas. Passez à tous une très bonne semaine. Ah, parce que toi, tu vas faire des phrases qui veulent dire des choses. Super. Bon, bah, passez tous une très bonne semaine. Oh. En espérant que vous tu ayez... tentes des trucs, je veux bien, mais là celui-là il pouvait pas passer, je suis désolé. Autant ça peut dire bon, ouais, c'est mignon, ça passe, mais passer à tous, c'est pas la difficulté que c'est de travailler dans ces conditions, je jure. Moi je viens, je suis plein de bonne volonté, je suis plein d'entrain, et on met des coups de pied dans les jambes, dans les tibias, et après j'ai mal, et puis je sautille et je boite. Après, bon. Pour aller travailler, c'est pas... Après, oui, bah, je galère au boulot. Bon, on vous aime. Et on vous emmerde. Et puis, sabot de bois. Ah non. Non, non, c'était pas... Sabot de bois. Oh non. Enfin, sabot de bois. Sabot de bois. D'accord. On vous aime. Et on vous emmerde. Sabot de bois. C'était pas ça. Mais non, c'est pas ça. Bon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter. On vous emmerde, c'est bah, bien. Ouais, voilà. Bon, bah, on ça. Vous aime. Et on vous emmerde. Allez, à la prochaine fois. Voilà, sabot de bois. Mais pourquoi sabot de bois? Et parce que sabot de bois. Non, bah, ça me parle pas. Hein. La moissonneuse batteuse. Bah... Moissonneuse batteuse. Voilà. Bruit bah. De mobilette. Je sais pas. Je pense que t'as un petit peu trop tendance à prendre les choses à califourchon. Et calisson. Pareil. Pouf, bon. Je ne sais pas où c'est. Faut que j'arrête à un moment donné. Ouais, pareil. Top.